Hey, salut tout le monde, ici Sébastien au micro et vous écoutez l'épisode numéro 6 de Fun à regarder des films, le podcast. Et c'est aussi le premier épisode pour les 31 jours d'horreur 2018, 5e édition. Il y avait bien des choses à dire là-dedans, c'était malade. Et puis là, on a une full team en plus, moi je suis vraiment content. Donc, tout d'abord, on a la tuque rouge. Salut Vicky. Hello. Comment tu vas? Ça va super bien. J'ai travaillé gros, mais je devrais être capable de faire un podcast. Super. As-tu écouté pas mal de films cette semaine? Quand même. J'avais gros de la job à faire qui ne nécessitait pas beaucoup de concentration. Fait. Excellent. C'est le même qu'on aime ça. Ensuite, JF. Salut, JF. Moi aussi, j'ai du rouge. Regarde, mes écouteurs. Ah, tes écouteurs, ton fil est rouge, c'est beau. Tes lèvres. Tes lèvres sont rouges. Puis t'as un petit peu de rouge aussi dans le cou, mais ça, c'est peut-être l'enfant couché dans le lit derrière toi qui en a sur le bord de la gueule aussi. Comment ça va, Jeff? Ça va très bien. Je disais en quittant le show la semaine passée que j'allais peut-être devenir conducteur. Je suis conducteur maintenant, j'ai mon permis probatoire. Fait que là, je fais de la route tout seul puis je m'amuse. Attention, ouais, ben, sérieux, ouais, c'est ça, Jeff. Parle-nous là, de ton expérience. Ben, juste aujourd'hui, j'ai été conduire 2 heures là, sur des routes avec ma musique au bout. Puis tout. J'ai dit à ma blonde, tiens, je m'en vais. Hey, on te l'avait dit que de conduire avec la musique dans le char, c'est débile. Hein? Oui, ah oui, j'avais hâte de faire ça. Il y a de quoi là, où est-ce que tu peux vraiment te laisser aller, puis ta bulle est genre complète. Tu sais, aujourd'hui, c'est une étape c'est une étape marquante pour moi. J'ai fait l'épicerie tout seul, sans ma blonde, sans mon fils. Je suis comme parti. Hein? Ça a servi. Ma blonde a fait du ménage, a fait d'autres affaires pendant ce temps-là. Pas obligé de partir de la famille puis prendre 2 heures de la journée. Avec la musique, ça paraît moins pire quand t'écrases les gens. Oui, j'avoue. Mais c'est ça dans Grand Theft Auto, c'est pour ça qu'ils mettent de la musique cool. Sinon, la violence serait peut-être moins plaisante. Hey, l'autre qu'on entend, c'est Steven le François. Salut, Steven. Hey, salut Sébastien Bouchard. Oh, comment vas-tu? Ça va très bien. Oh, tu viens comme d'apparaître avec ton chandail de Jurassic Park out of nowhere. Je pensais qu'on ne te verrait pas de la soirée. Ben, je me suis dit, je peux me montrer un petit peu. Puis, excuse-moi, je suis très heureux que tu aies dit Jurassic Park parce que je t'ai interdit de dire Jurassic World. Je porte pas un chandail de Jurassic World. Et ça va, c'est ça? Oui, ça. Y a-tu des gens qui confondent? Possiblement. Okay. Sûrement. Sûrement, les gens nés après 2003. Chantal qui dit j'ai été renouvelé mon temporaire hier, je te comprends, JF. Yeah, salut Chantal qui vient d'apparaître à la caméra. Ben oui, c'est ça, là écoutez, ça, c'est un peu la fête, là. Surtout qu'ils nous écoutent en différé, on s'excuse, là, mais c'est un peu la fête, c'est le podcast, là. Il y a du monde live, il y a plein de monde qu'on n'a jamais vu. Il y a Guy, il y a Carmine, là, il y a Chantal qui est là, c'est le live. Il y a Cynthia qui s'est acheté un t-shirt de Fun Regarder Film. Wouhou! Ça, c'est malade. Vous irez voir sur le groupe Fun Regarder Films. Fun Regarder Films, le groupe. Au pire, vous ferez une demande pour vous être inclus dans le groupe. Sérieux, elle a posté une photo de son t-shirt. C'est super. On a Pascal Jacob qui est toujours là, comme d'habitude. Salut, Pascal. On a Lisette qui est là. Et peut-être que j'en manque d'autres. On verra. J'espère qu'ils s'ajouteront en temps et lieu. Et by the way, ceux sur le chat présentement, même vous dans l'équipe, c'est maintenant le temps ou jamais de partager l'épisode et de dire « Hey, come on, join the fun ». Donc, on veut le plus de monde live possible right now. Alors, je vous laisse 2 secondes pour partager. Oh. Alors, c'est partagé. Donc, c'est ça. Gros show ce soir. On a déjà la première semaine des 31 jours d'horreur de compléter. Je ne sais pas comment ça s'est passé, vous autres, de votre côté. JF, toi, tu nous avais dit que tu allais faire ton possible. Oui, puis j'ai quand même réussi à en écouter 3 fait que... dans la semaine. C'est bien correct. C'est pas pire. C'est bien correct. Steven, toi, tu n'as pas respecté la liste, mais je pense que tu as été un trooper. Moyen, je te dirais. Ça n'a pas été évident cette semaine. Ça va être mieux la semaine prochaine, mais c'est parce qu'avec les noms de réalisateurs qu'on a pour cette semaine-ci, je pense qu'on peut quand même s'amuser à parler ou conseiller des films, même si on n'a pas vu un en particulier. C'est ça. Ben, c'est sûr qu'il y a des semaines où on y va dans le plus inconnu. Cette semaine, on était quand même en terrain connu pour la plupart, donc c'était assez simple. Puis toi, Vicky? Je sais que tu es allé avec des documentaires, puis toi aussi, t'as sorti de la liste. Là, fait que... Oui, j'ai sorti de la liste, mais je l'ai écouté plusieurs. Fait que, peut-être bien que même certains de ceux-là vont se retrouver plus tard dans le mois, j'ai même pas regardé. OK. C'est good. C'est ça, ben, on te coupera l'herbe sous le pied quand tu voudras nous en jaser. C'est bon. Puis, c'est ça. Ben, écoutez, je voulais prendre le temps juste avant qu'on commence le show pour encore une fois vous parler de la façon de nous encourager parce que c'est très important d'encourager les gens dans le besoin comme nous. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est d'amour. Alors, si vous vous dites comment est-ce que je pourrais faire en sorte que Fun Regarder des films, le podcast ou la page deviennent encore plus big, c'est très simple. Il y a plusieurs façons de nous encourager. Entre autres, vous pouvez partager la page, abonnez-vous à tout ce qu'on fait et parlez-en à vos amis. Donc, vous pouvez aussi faire comme Cynthia, qui a acheté son T-shirt Fun Regarder des films cette semaine et qui est foutrement hot. On va vous partager quand il y aura des spéciaux là, pour vous dire c'est quoi les bons moments pour acheter les t-shirts. On ne voudrait pas vous payer plein prix quand même. Et sur iTunes, n'oubliez pas de toujours mettre un 5 étoiles si vous le pouvez. C'est vraiment important. Là. Ça nous aide. Ça l'aide tellement d'être haut gradé dans iTunes ou de recevoir des bonnes notes parce que c'est comme ça qu'iTunes nous pitch dans les recommandations par la suite. Puis là, pendant que je vous parle, j'essaie d'être subtil et de chercher voir si on a eu des gens qui nous ont cotés la semaine dernière. Oui, parce que j'avais dit, s'il vous plaît, si vous nous donnez un commentaire sur iTunes, on va vous lire live. Et on a Seb du Best Podcast Ever, qui est un podcast, entre autres, que vous ne devez pas manquer. Il dit « Fun Regarder Film est un très bon podcast. Je ne manque pas un épisode. » Merci, Seb. Et si vous voulez faire comme Seb et être cité dans notre show, vous allez juste aller sur iTunes et nous jaser de tout ça, de mettre un beau commentaire avec un 5 étoiles. Excusez, je suis... Calme-toi, Seb. Ça me dérange si je fais 10 minutes de yoga. Oui. Sinon, il y a toujours notre... il y a toujours notre Patreon où vous pouvez aller sur la page patreon.com/funregardesfilms et vous pourrez voir... quelle façon monétairement vous pouvez nous encourager. Donc, vous verrez, là, il y a plein de récompenses possibles. Entre autres, vous recevrez les épisodes toujours à l'avance, et surtout nos épisodes spéciaux. Donc, comme là, tout là, pendant que je vous parle, je vais mettre en ligne le nouvel épisode du podcast On the Side que je fais qui s'appelle Fan de film. Parce que l'épisode de cette semaine, c'est une entrevue avec Maude Michaud, qui était la quatrième journée de notre semaine, de notre première semaine des 31 jours d'horreur. Et c'est ça, je me suis entretenu pendant quasiment 1h20 avec Maude. Alors, j'en ai fait un épisode de fan de film et je le mets en ligne right now. Donc, c'est ça. Donc, puis sinon, parlez-nous, donnez-nous de l'amour, dites-nous que vous aimez, puis c'est de même que vous pouvez nous encourager. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense que non, peut-être reprendre ton souffle. Ah, oh, merci, c'est ça, c'est pour ça que je voyais des petits points, là. J'essaie tellement de faire un million de choses en même temps que je vous parle, c'est débile. Donc, l'épisode de Maude Michaud est en ligne right now, et on peut commencer nos 31 jours d'horreur avec la première journée qui était... Hey, ça, c'était facile. C'est quand même John Carpenter. Un petit peu facile. Qui a écouté un film de John Carpenter? Ben, Steven, t'as écouté Assault on Precinct 13. Sur le 13. C'est loin d'être ma première fois, en fait. Là, Pourquoi d'abord t'as lui que t'as choisi? Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était quand j'avais acheté l'édition de Scream Factory avec un nouveau transfert. Puis là, je me disais, ça me tentait juste de voir celui-là pour la simple raison que mon top 5 de ce réalisateur-là change constamment. J'aime vraiment tous ses films. Puis globalement, je suis dans un monde différent à chaque fois. Puis quand j'en redécouvre un, je suis comme, finalement, ça va être lui qui va être dans mon top 5. Puis ça change toujours. Puis je trouve que c'est un qui est peut-être... pas suffisamment assez écouté ou connu auprès du public. Tu sais, les gens se tournent tout le temps vers Halloween, The Thing, Christine à la limite. Ouais. Peut-être parce que celui-là donne l'impression d'être plus devant un film d'action, mais Il y a une méchante vibe horrifique qui est constamment présente dans celui-là. Pour ceux qui ne connaissent pas le film, ça raconte l'histoire d'un policier du nom de Bishop qui en a sa première journée. Puis pour sa première journée, il s'en va au fameux poste 13 où c'est la fermeture parce que le poste de police est en train de déménager. Fait qu'il doit passer une nuit à compléter les choses puis à fermer le poste de police. Et un peu plus loin, il y a un autobus avec des détenus qui va devoir faire un détour à ce poste de police-là parce qu'il y en a un qui a un problème de santé. Fait qu'il faut qu'il aille là pour essayer de le soigner. Et un peu plus loin également, il y a un père de famille qui doit venger la mort de sa jeune fille qui a été tuée de sang-froid par un gang parce qu'à Los Angeles, dans le film, les gangs sont omniprésents et de plus en plus violents avec la population. Et c'est alors qu'à se venger, il va tuer ce qui semble être le chef du gang. Fait que toute la gang va le poursuivre et malchance, il va se retrouver au poste de police lui aussi. Et c'est là que le film va prendre tout son sens avec le titre « L'assaut du poste à 13 ». Moi, ce qui me fait vraiment triper, c'est que c'est le deuxième film de John Carpenter. Son premier est Dark Star, mais il est comme beaucoup plus méconnu et difficile à trouver. Même moi, j'ai pas le DVD, malheureusement. Peut-être un jour. C'est pas mal le western urbain que John Carpenter a voulu faire dans sa carrière. C'est tout le temps été un maniaque lorsqu'il était jeune des films de western, La Horde sauvage et des classiques avec John Wayne. Puis ça a tenté de transporter ça dans une époque plus moderne et en même temps d'y ajouter sa fameuse touche horrifique qui parsème la plupart de ses films. Autrement dit, une espèce de vibe fantomatique parce que les fameux membres de la gang, on les voit jamais. À chaque fois que le poste de police se fait attaquer, à chaque fois que les gens regardent par la fenêtre pour essayer de voir, t'as juste l'impression de voir constamment des ombres cachées dans les buissons, puis juste des coups de feu, puis t'as une vibe qui est vraiment travaillée sur la mise en scène de John Carpenter, puis c'est tout le temps ça. Lui, c'est un gars qui est très classique dans sa mise en scène, ou qui va vraiment placer, cadrer de façon vraiment précise sa mise en scène pour essayer de créer une atmosphère, puis c'est jamais vraiment tape à l'œil, c'est vraiment juste en termes de tension puis de construction de personnages, parce qu'ici, c'est une des forces, c'est qu'avant que les gangs attaquent le poste de police, il va nous lier d'amitié, non seulement être le policier qui doit s'occuper du poste la nuit, mais aussi un des prisonniers qui est interprété par... Laisse-moi prendre deux petites secondes, ça fait chier, je voulais avoir son nom, parce que j'adore cet acteur du nom de Darwin Johnston, un acteur qui a joué dans quelques autres films d'horreur, mais c'est surtout l'anti-héros qui rappelle beaucoup justement les westerns que John Carpenter écoutait quand il était jeune, puis cette espèce d'alliance entre les forces de l'ordre et les prisonniers qui doivent s'aider entre durant un moment pénible. Ça fait des moments de chimie entre les personnages vraiment mémorables. Je trouve que John Carpenter, il a vraiment un gros talent pour donner de la profondeur puis beaucoup de chair à ses personnages. Puis ça vient renforcer un peu l'intensité durant les attaques, justement, parce que tu es impliqué avec eux puis tu as envie que les personnages s'en sortent. Et pour moi, ça reste un des musts de John Carpenter. C'est un film que je revois à chaque fois avec beaucoup plus de passion. Et ben, je le recommande fortement pour ceux qui aiment le réalisateur et qui n'ont pas encore eu la chance de le voir. Le film est facilement accessible un peu partout. Puis comme je l'ai dit, il y a une belle édition Blu-ray de Scream Factory qui vaut vraiment le détour. Fait que ça vaut le coup. Solide. Moi, je l'ai même pas vu. J'ai appris son existence quand le remake est sorti. J'ai l'impression que le remake n'a rien à voir avec l'original, même dans son traitement. Ça a l'air d'être traité comme un gros film d'action. Ouais, c'est la grosse différence. C'est vraiment une grosse série B d'action avec Ja Rule et Ethan Hunke. C'est divertissant, mais on ne retrouve jamais le côté horrifique et fantomatique de la manache. Je te dirais qu'un des faux remakes qu'il y a eu qui se rapproche le plus, ça s'appelle Nid de Guêpe. C'est un film français que j'avais vu à l'époque et c'est un peu le même principe là, des cambrioleurs qui se retrouvent enfermés dans une usine puis se font attaquer par des gens à l'extérieur qu'on voit jamais réellement. Puis c'est vraiment réussi, puis je trouve que c'est sans doute ce qui se rapproche le mieux de l'œuvre de John Carpenter. Mais c'est parce que, tu sais, le film de John Carpenter, c'est pas juste un banal film d'action avec une vibe horrifique, c'est que John s'amuse tout le temps à jouer avec les critiques sociales, puis à cette époque-là, justement, tu sais, le policier principal, c'est un noir, puis dans les années 70, avec les rivalités avec les gangs, tout ça, John en profite pour faire sa critique là-dessus, puis surtout miser sur les sociétés un peu déchirées. Là. Fait que c'est une œuvre qui a quand même beaucoup de profondeur quand on l'écoute. Solide, solide. Moi, j'ai écouté Halloween. C'est comme plate de dire ça. Mais je sais que là, présentement, il y en a qui ont hâte de savoir ce que j'ai à dire sur Halloween. Ce qui est assez rare en 2018 de vouloir entendre quelqu'un parler d'Halloween, c'est que de la manière que j'avais présenté ça en privé dans notre petit groupe de discussion, c'est que je n'aime pas Halloween. La dernière fois que je l'avais vu, c'était peut-être là, 9-10 ans et j'avais vraiment détesté. Pas détester, le mot est peut-être fort. J'avais pas aimé. Je préférais de loin, si on parle des slashers de l'époque, là, des grands boogeyman, je préférais de loin Jason et Freddy. Mais là, cette année, j'avais vraiment le goût d'y redonner une chance parce que je me suis dit, coudonc, à un moment donné, j'avais peut-être manqué quelque chose, tu sais. Et là, ben, j'ai écouté ça, c'est lundi qu'on commençait ça, lundi. Mm-hmm. C'est ça, ouais. Ouais. Oui, c'est ça, lundi. Et après 15 minutes, je me suis dit, Chris, Sébastien, pourquoi tu as eu ce film-là? J'ai le feeling, ben pas le feeling, là, mais je me suis rendu compte que ce que je n'aimais pas de ce film-là, c'était la scène du début. C'est le plan séquence du début. Je trippe pas. Mais je restais marqué tout le long de mon écoute par ça. Puis j'aime pas la façon que c'est tourné quand il s'évade. Je trouve que c'est un peu mal monté. Mais après ça, le film, là, Christy, John Carpenter, il maîtrise sa cam comme ça n'a pas de sens. Il sait exactement ce qu'il veut te faire voir, ce qu'il veut pas te faire voir. Puis, tu sais, je pense qu'à l'époque, pour moi, quand j'avais écouté Halloween, je m'attendais à un slasher bourrin à la Friday the 13th ou à la Nightmare on Elm Street. Et c'est tout sauf ça. J'écoutais le podcast de Mick Garris cette semaine et il y avait Mick Garris qui disait, pour faire un bon film d'horreur, ça te prend tout d'abord un bon drame et ensuite tu rajoutes des éléments horrifiques. Puis je trouve que c'est ça un peu Halloween. C'est pas un drame dans le sens où on va pleurer, mais je veux dire, avant d'être un kill fest ou appelez ça comme vous voulez, mais c'est quand même un film qui a le goût de te donner une ambiance, puis qui a le goût de te donner un build-up intéressant, tu sais. Des personnages de fun. À l'époque, des personnages de fun qui prennent pas trop de décisions niaiseuses, en tout cas. Puis je me souviens qu'à l'époque, je me disais, non, mais c'est bien, non, ben, qu'on ait le premier kill. Ben justement. Il veut te faire attendre. Il veut te faire languir, tu sais. Puis, tu sais, c'est sûr que quand tu fais ses kills, c'est pas genre dans ta face le gros kill que tu fais comme « Ouais, il a coupé la tête! » Tu sais, là. C'était pas un film qui était fait pour l'ado de 13-14 ans en moi, là, qui était plein de testostérone, là, puis qui voulait avoir de quoi, du slasher porn, si on peut appeler ça de même. Tu sais, là. Là, je l'ai écouté en tant que fan d'horreur, puis en tant que fan de cinéma, puis en tant que fan de cadrage, puis en tant que fan de montage, de tu sais. Puis là, tout était là. C'est là que j'ai pris mon plaisir, puis j'ai pris mon pied. Tu sais, je me souviens juste de la scène où ce que Dr. Loomis, je sais pas trop où il s'est passé un vol d'un magasin, puis le policier fait comme, ah, oh, il y a quelqu'un qui a volé un masque, puis une coupe de corps, puis c'est tout, là. Puis là, Dr. Loomis, il parle avec le policier, puis tu fais comme, mais le cadrage est bien bizarre, tu sais. Parce que là, le policier sort du cadrage, puis le cadrage reste un peu tout croche, mais tu te rends compte qu'un petit peu plus loin, il y a une voiture, puis c'est la voiture de Michael Myers qui est là, puis qui était dans la scène depuis tout le long, puis qui fait juste passer en arrière de Dr. Loomis, puis ouais. Il continue son chemin, puis t'es comme, tu sais, il n'y avait pas de ça dans Friday the 13th, il n'y avait pas de cadrage. Placé et pensé comme ça. Je pense juste aussi à la scène où Michael Myers, il apparaît comme les deux filles marchent dans la rue, puis il apparaît comme vers la haie. Puis, il fait juste se recacher derrière la haie. Puis là, il y a son ami qui avance, il fait comme, hey, il est là, puis il veut te parler. Mais tu sais, il te montre jamais qu'est-ce qu'il y a. T'sais. Fait que là, t'es comme, ben, es-tu là? Es-tu pas là? Moi, j'essaie de me leur imaginer comme quelqu'un qui le voit pour la première fois. Puis, tu sais, c'était crissement efficace, là. Le mystère était là, là. Oui, peut-être qu'à la fin, j'ai trouvé que Jamie Lee Curtis, par son personnage, prenait des décisions un peu bizarres, là, surtout dans sa façon de dire on va aller se sauver dans la maison, puis je vais m'enfermer avec les enfants, tout ça. C'est pas parce que la première maison que tu tombes, la personne te ferme la porte au nez que tu peux pas aller dans la prochaine, mais ça, on s'en fout. C'est à peu près les seules décisions stupides de tout le film, alors que dans le slasher moyen, il y en a une ou deux minutes. Surtout quand on regarde les Friday the 13th. Mais sérieux, j'ai vraiment pris mon pied. J'ai tellement pris mon pied, là. J'ai même stressé. J'ai stressé alors que je connaissais le film. C'est la première fois que je stressais en écoutant Halloween, puis c'était peut-être ma troisième écoute. Fait que là, ouais, là j'ai fait comme, OK, man, je te pardonne. J'aime Halloween, puis là, ben, là, je vais l'écouter. Je vais l'acheter. Là, je veux une édition Blu-ray. Tu l'as vu en DVD? Non, il était sur. Sur Shudder, sur. C'est sur Shudder, je pense qu'il est. Ouais, je pense qu'il est sur Shudder. Ouais, okay. C'est sur Shudder. Sur Shudder. OK. Et là, ben là, je veux pas qu'on skip tout de suite parce que Vicky, j'ai vraiment le goût de savoir qu'est-ce que t'as écouté, toi. C'est vraiment intéressant, là. En fait, c'est ça, c'est que moi, quand j'ai regardé John Carpenter, je commençais à regarder sa filmo, puis j'ai fait Chris, j'en ai vu vraiment plus que ce que je pensais de lui. Puis chacun de ses films, soit j'adore, soit c'est. Puis pas genre, ah, c'est plate, ou juste comme, ah, tu sais, comme The Fog, là. Moi, il m'a jamais vraiment fait triper. Je l'ai vu deux fois, puis comme, pop. Puis c'est pas genre, ah, je l'aime pas, c'est vraiment plate. C'était juste, ah, c'était ça, tu sais. C'est un peu mon feeling que j'avais avec Halloween, je pense. Ouais. Tu sais, genre, ah ouais, pourquoi est-ce qu'on en parle tant que ça, tu sais? Prince of Darkness, je l'ai vu deux fois. Puis encore une fois, ah, c'était ça. Tu sais, comme, ben, la première fois, je l'ai trouvé un peu ridicule. La deuxième fois, je l'ai trouvé un petit peu meilleur. Mais encore là, ah, c'était ça. Tu sais, fait que j'ai l'impression que j'ai pas une relation amour-haine avec Carpenter parce que haine, ça voudrait dire qu'il y a des films que j'aime pas puis que je comprends pas de sa filmographie. Ouais. C'est plus des films qui me touchent pas. C'est des films qui me rejoignent. Hein? Laisse indifférente, genre. Oui, je pense que ce que j'aurais dû voir cette semaine, mais qui n'était pas à ma portée, peut-être que je me trompe, parce que j'ai pas fait de recherche énormément, c'était Halloween 3 de Season of the Witch. Ouais. C'est ça qu'il s'appelle. Parce que lui, je l'ai vu dans v'là longtemps, puis moi, ça a été vraiment comme dans un. J'étais encore dans un moment où je lisais pas assez sur les films, puis je l'ai vraiment vu dans pourquoi Halloween 3, c'est pas Halloween, puis c'est après. Fait que moi, j'ai été de ce spectateur-là qui a été un peu sur le coup de... Hein? Il est où, mon personnage? Mais il n'est pas Carpenter, lui, je pense. Hein? Non. C'est Tommy Lee Wallace qui l'a réagi. Bref, tout ça pour dire que pour comprendre un fait, pour comprendre Carpenter, j'ai dit au lieu d'écouter des films de Carpenter, je vais écouter des documentaires sur Carpenter. Les deux premiers... Ben, je les ai trouvés les deux sur YouTube, donc je vais les suggérer. Big John... Et l'autre, c'est Master of Cinema, John Carpenter. Et c'est sûr que je les propose aux gens parce que moi, j'aime ça écouter des documentaires. Et je pense que ça a comme répondu à ma question dans le sens où tous les gens qui sont fans de son cinéma aiment des films pour des raisons différentes. Puis ils vont t'apporter plein de raisons. Puis des fois, tu vas faire « Ah, c'est vrai, il y a ça dans ce film-là, c'est intéressant. » Puis d'autres fois, c'est « Ah, peut-être que c'est pour ça que j'ai pas attaché au film, un peu exactement comme ce que tu venais de dire sur Halloween, c'est que d'un fois, tu écoutes un film dans un certain mood, puis tu sais, rester accroché sur une scène d'ouverture, moi, ça m'est arrivé très, très, très souvent de faire comme, OK, ça, c'est toujours pas clair, puis tant que ça, c'est pas clair dans ma tête, je suis pas capable de continuer le film, tu sais, puis tu le continues, mais tu restes dans le passé du film. Exact. Fait que tout ça pour dire que s'il y a des gens qui aimeraient me suggérer des lectures sur John Carpenter, des revues spécialisées que je pourrais trouver parce que j'ai quand même une bonne bibliothèque, puis j'ai quand même accès à beaucoup de revues, des articles de journaux, tu sais, j'en ai plein sur plein de sujets, mais j'ai rien trouvé sur Carpenter outre ces deux documentaires-là. J'aimerais que les gens m'écrivent parce que j'aimerais ça me documenter plus, parce que des fois quand tu lis sur un cinéma ou quand tu écoutes sur un cinéma, tu te rends compte de premièrement tes attentes comme tu as fait avec Halloween, de, OK, c'est à ça que je m'attendais, mais c'était pas ça le film. Fait que peut-être que de juste lire, des fois, tu fais « Ah, OK, c'est à ça que je m'attendais. » puis c'était pas ça que j'ai compris, c'est pas ça que j'ai vu, c'est pas ça que... Fait que j'aimerais ça en lire plus, en découvrir plus, avant de continuer à voir ces films, mais de comprendre ce qu'il faut voir dans ces films. Et qu'est-ce que, admettons, là, qu'est-ce qui était le truc qui t'a le plus surpris dans ces documentaires-là? Je veux en apprendre un peu. Ah, éduque-nous. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que, étrangement, j'ai pas été très surprise, Seb, parce que les documentaires, ils me parlent beaucoup de la musique, puis ça, je m'en attendais, puis ça, c'est sûr que moi, je suis vraiment pas touchée par la musique dans un film, ça peut, à la limite, me déranger. Ouais. Oui, tu sais, je veux dire, Halloween, ça reste une chanson, tu sais, connue, puis que tu l'entends, puis tu sais que c'est ça, mais... Et je comprends les effets aussi de la musique, mais je pense que Steven aussi l'a dit dans sa critique, c'est que Carpenter vient souvent chercher le citoyen moyen, vient chercher l'homme moyen, vient chercher... c'est jamais des grandes histoires avec un grand H, c'est jamais des grandes métaphores, des grandes formes. Tu sais, quand t'apprends dans Halloween 2 que c'est le frère de l'autre, ben finalement, c'est pas une... Tu sais, c'est pas un grand mythe, c'est pas une légende urbaine, c'est pas un monstre revenu de nulle part, c'est pas un monstre de nos rêves, c'est un humain, tu sais. Puis c'est ça, c'est vraiment que t'apprends à quel point John Carpenter est terre à terre puis qu'il remet en scène des humains. The Fog, j'ai trouvé qu'on n'avait pas assez parlé parce que c'est un des films qui m'a plus marqué comme quoi j'ai pas compris le trip autour de ce film-là, que j'étais vraiment déçue. Fait que j'aurais aimé ça en entendre plus, fait que c'en est un que j'aimerais ça en lire. Et celui qui m'a le plus surpris, ça a été Escape from New York, où il défend énormément son héros, puis qu'il remplace dans une époque. T'sais, Escape from New York, il dit, c'est tout sauf un héros, mais on va quand même s'attacher à lui. C'est tout sauf quelqu'un d'agréable à l'écran, c'est tout sauf quelqu'un que tu as envie d'aider dans sa quête, mais reste tu vas quand même le suivre dans cette quête-là. Fait que ça, c'était intéressant aussi d'en entendre parler... à propos de ces films-là, tu sais que vraiment, il est allé chercher ce personnage-là, puis je pense qu'il parle de d'autres acteurs aussi qui auraient pu incarner ce personnage-là, parce qu'il voulait vraiment antipathique, puis il voulait voir jusqu'à quel point est-ce que des spectateurs pourraient suivre une personne antipathique. C'est tout ça intéressant. C'est vrai que c'est ça que j'allais dire, ça, c'est quand même intéressant, par contre. Ouais. C'est rare qu'on veut se lancer dans ce genre d'exercice-là. Exactement. Mais tu sais, moi, GF, j'adore The Thing, fait que ça, j'ai pas trop écouté ce qu'il dit. Oui, je laisse la parole à GS. Non, c'est bon. Merci, Vicky, c'est cool. Tu nous donneras les titres des documentaires. Oui. Je pense qu'ils se trouvaient facilement sur YouTube. Oui, très facilement, je vais te les redonner tantôt. Super. Jeff, toi, toi, Carpenter, comment te parle-t-il? Ben c'est un peu comme Vicky disait, j'ai pas une relation amour-haine. C'est un peu... C'est, je l'aime, je le respecte, mais je suis pas en amour non plus. Puis je le déteste pas du tout, je respecte tout ce qu'il fait. Fait que, tu sais, Halloween, Assault on Precinct 13, puis The Thing, c'est pas mal mes préférés, je dirais, de tout ce que j'ai vu. Là. C'est ça que j'allais dire, vos préférés, vous autres? moi, je pense depuis longtemps, si admettons je regarde celui que j'ai écouté le plus souvent, c'est The Mouth of Madness. C'est probablement celui que je préfère parce que sur le long run, c'est lui qui t'offre le plus. Mais là, honnêtement, Halloween, c'est peut-être parce que, tu sais, moi en 2018, je viens de découvrir que j'aime Halloween. Fait que là, tu sais, alors que tout le monde était comme, oh oui, Halloween, on en revient. Mais ben moi, je suis comme, non, hey, c'est vraiment cool. Là, je veux le réécouter puis voir des choses que je n'avais pas remarquées. J'ai l'air du nouveau fan de films d'horreur. Puis je trouve ça plate, mais tu sais, souvent quand on parle des adaptations de Stephen King, les gens reviennent tout le temps avec The Shining, Pet Sematary, tout ça. Puis tu sais, Christine est tout le temps mise de côté, mais c'est pour avoir lu le livre, c'est réellement une bonne adaptation. Puis je trouve que Carpenter arrive vraiment à nous faire sentir cet amour-là entre Arnie et la voiture, puis cette progression-là de la démence. Puis j'adore ce film-là, puis la façon qu'il rend la voiture vraiment iconique, puis elle a une forte personnalité. Puis je suis comme, fuck, c'est vraiment une des meilleures adaptations de Stephen King que j'ai vues. Puis je trouve que les gens en parlent pas si souvent que ça, malheureusement. Mais tu vois la face qu'on fait. Excusez-moi, mais tu vois la face qu'on fait tout à chaque fois qu'on nomme un titre, c'est comme, ah ouais, c'est vrai. C'est Carpenter, il y a tellement une filmographie diverse qu'on est tous. Ah ouais, c'est fou. Tu sais, t'as Jack Burton, j'ai oublié le titre en français, mais... Big Trouble in Little China, qui ouais, est son ça, genre t'sais. D'hommage au cinéma de Hong Kong, Tui Hark, tout ça. Fait que tu sais, c'est complètement différent de tout le reste, là. T'sais, t'as le village des Dani, t'as plein d'affaires... Ou même sa comédie avec Chevy Chase, Les mémoires d'un homme invisible. Ah, ok, mais ça dans mes préférés. Je l'ai vu un million de fois, ce film-là. Ou même Starman avec Jeff Bridges. Lequel? C'est l'avec Starman. Avec ben oui, Jeff Bridges. Starman, c'est vrai, avec, celle qui joue dans Indiana Jones, là, je cherche son nom, mais en tout cas. Tu t'en souviens, là, Jeff? Je regarde sur le chat, là, The Thing ressort, Escape from New York, Mouth of Madness, puis tu vois, David Bacon-Roy, salut David, qui fait nos critiques et qui vient justement hier de m'en envoyer une nouvelle que je publierai demain. Il dit, c'est vrai que Kristen dans le film est une excellente adaptation. J'ai lu le livre en anglais au secondaire, j'avais trippé. Puis Pascal Jacob qui dit, les soundtracks de Kristen et Prince of Darkness sont débiles. Puis Pascal Jacob dit, Someone's Watch Me. Ouais, c'est un des films qu'il avait fait pour la télé. Il avait sorti un coffret de cette collection-là. Il y avait The End avec Michael Caine, puis d'autres films. Mais je te dirais que c'est trop vague, là. Je l'ai vu une fois. C'est peut-être un que j'ai envie de revisiter, justement, celui-là. Sinon, j'aime bien son épisode de Master of Horror saison 1. C'est de ça que je m'en allais chercher Cigarette pour Burns. Être sûr. Cigarette Burns, qui est crissement solide. Un petit épisode, c'est quand même des épisodes de quoi, 45 minutes? Pas loin d'une heure. Ouais, qui réussit à nous établir une genre de mythologie dans toute son histoire. À la première écoute, je l'avais moins aimé parce qu'il m'avait fait penser un peu trop à La 9e porte de Polanski. Ok. Alors que dans Polanski, dans La 9e porte, il cherche comme un livre qui rêve. Très référence à un genre d'ouverture vers une porte démoniaque. Ben, dans Cigarette Burn, lui, il cherche un film qui aurait rendu des gens fous. Puis ça faisait penser un peu à Mouth of Madness aussi, alors que dans Mouth of Madness, il cherchait un livre aussi, ouais. Tu sais. Mais il y a un côté snuff et crasse qu'on retrouve rarement chez Carpenter. T'sais, tu l'as dit, c'est pas un réalisateur qui va vraiment dans le gore. T'sais, en dehors de Vampire avec James Wood, je dirais que celui-là, c'est peut-être ce qu'il a fait de plus gore là, à date. Là. Vampire, ça n'est un que ça fait longtemps que je mets dans ma watchlist et que je ne regarde jamais finalement. C'est ça, Vicky en parlait, mais en termes de personnages désagréables, qu'en temps normal, t'es pas supposé aimer, mais celui-là, James Wood, est tellement hot en badass trop de cul que tu peux pas coller. Hey, on va sauter à la deuxième journée parce que sérieusement on a du pain sur la planche, mais je sais que John fallait quand même qu'on prenne du temps pour lui donner du gros love. Surtout que là, dernièrement, il a dit en entrevue qu'il ne ferait plus jamais de film d'horreur. Il ne voulait plus faire de film d'horreur. Moi, je m'attends. Il est tanné de ce que l'horreur est devenu, puis tout ça, puis il trouve qu'il n'y a plus sa place. Il disait ça en entrevue dernièrement. Il est vieux, puis je veux dire, sa santé, c'est pas toujours top. Tu sais, le dernier film d'horreur qu'il avait réalisé, c'était The Ward, qui était comme une grosse déception, puis il avait fait une crise cardiaque sur le tournage. Fait que, tu sais, Big John, il est fragile maintenant. Là. Fait qu'il a plus l'énergie, puis c'est correct. Je veux dire, sa filmographie est tellement vaste et remplie de petites pépites que c'est plus nécessaire d'avoir un film. Tu sais, moi, ça me dérange pas qu'à nos... Les anciens réalisateurs décident de prendre leur retraite. C'est correct, tant qu'à avoir à Argento qui continue à être des Dracula 3D, c'est comme arrête. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais, je suis vraiment d'accord là-dessus. C'est sûr qu'on aimerait que nos masters restent des masters toute leur vie, mais est-ce que. Je lance de même, là. Puis on sort, je veux pas qu'on s'égare longtemps. Là. Est-ce que vous connaissez un master qui reste master jusqu'à la fin? Probablement, c'est juste que là, le coup. Juste dans l'horreur? Non, je me parle en général. Ben moi, je vais nommer David Lynch. Oui, ok, oui. Sa saison 3 de Twin Peaks. Ça en est un aussi qui a pris le temps de jamais s'épuiser. Oui. Martin Scorsese, excuse-moi, mais il est comme au pic de sa carrière, là, encore. Mais il a tout le temps été au pic, ce gars-là. Son pic a commencé rapidement, puis il est encore là. Parce que je pense à des masters. Tu sais, moi, mon master, c'est Charlie Chaplin. Puis ses derniers films, la misère à les écouter. Tu sais. Fait que, non, c'est ça. c'est pas donné à tous. Mais tu vois, regarde, tu dis Scorsese. Scorsese, il prend son temps, je pense. Non, mais attends un peu, là, ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini, en effet. Non, il est en train d'en tourner un, en plus. Là. Ouais, c'est ça. Puis Lynch prend son temps. Scorsese prend son temps. En tout cas, Jean-Michel Goyette qui dit Kubrick. En effet, Kubrick, mais bon, c'est... Malheureusement, il n'est plus là. C'est ça. Puis il dit Spielberg. Spielberg, il y en a peut-être qui dirait le contraire. Ouais. Attends un peu, Vicky. Deux secondes, Vicky, elle voulait savoir. C'est ça la question. C'est ta question. Précise ta question, Seb. Ouais. C'était-tu vivant c'est ou mort? Des masters qui sont... Oh non, vivant encore. Là. Vivant encore. Vivant encore, mais tu sais, je veux dire, admettons, comme là, tu disais Carpenter, là, tu sais... Bruno Mattei. OK, elle est bonne, Jacob. Alors, je pense qu'on s'est terminé, de toute façon. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, je veux qu'on passe à la deuxième journée. La deuxième journée, c'est Ty West, qui est de ceux qui s'est fait découvrir, j'allais dire dernièrement, mais ça commence à faire un bout, là. Ça fait longtemps qu'il n'y avait rien tourné, honnêtement. Là. Ouais, c'est ça. Ça a été une coqueluche rapidement. Puis là, on entend peut-être un petit peu moins parler, surtout du côté de l'horreur, parce que son dernier, c'était. Ça a-tu été le Western? Le Western, ouais, In the Valley of Violence. Ouais, c'est ça. Ouais. Steven, t'es peut-être au courant, c'est quoi qui tourne dernièrement? J'avais entendu dire qu'il travaillait sur une série, si je ne me trompe pas. Non, en fait, c'est ça, justement. Je pense que son dernier segment, c'était. Non, je pense que c'est ça. J'étais certain qu'il avait fait un segment dans Tales from Halloween, mais non, il n'a rien fait là-dedans. Je me mélangeais avec Lucky Mickey. Non, ben c'est ça. Ben moi, j'ai revisité House of the Devil, qui est son premier long métrage. Deuxième. C'est quoi son premier? Il a fait The Son Roost. Premier, c'est The Roots. Ouais. Ah, j'ai jamais vu, lui. Moi non plus, mais j'ai entendu parler cette année en checkant sa filmographie. OK, excusez, j'ai vraiment l'air d'un néophyte. C'est très différent, mais c'est le fun. Est-ce qu'on reconnaît sa touche? Je te dirais que oui, mais c'est moins stické sur un slow burn. Il essaie vraiment plus de faire un genre de midnight movie. Là. T'as un gars qui présente en noir et blanc dans un petit décor cheap d'Halloween un film, puis là, tu vas écouter ça, puis ça rapporte des chauves-souris puis des zombies. Fait, c'est assez différent de ce qu'il a fait, mais c'est quand même fun de le voir comme son premier film. Là. Parce que là, l'idée, je repense un peu à notre idée derrière tout ça, c'est de faire découvrir des réalisateurs. Tu sais, on veut parler des réalisateurs et des réalisatrices. C'est un peu le but de les faire découvrir. Sans nécessairement parler de toute sa filmographie, pour ceux qui ne connaissent pas Ty West, comment est-ce qu'on le définirait? Un réalisateur de slow burn, des films qui sont vraiment lents dans leur montée, mais qui livrent énormément dans leur troisième acte. Oui, c'est quelqu'un qui mise beaucoup sur l'atmosphère, mais aussi sur ses personnages avant tout. Tu sais, t'écoutes The Innkeeper, qui est un film de motel hanté. C'est très old school dans son histoire, puis ça prend peut-être un bon 40 minutes avant qu'il commence à avoir des apparitions, mais c'est qu'il mise tellement sur ses deux personnages, puis à créer une atmosphère. Puis, tu sais, des fois, il se passe pas grand-chose, la fille va juste écouter avec son micro, puis elle a l'impression d'entendre un bruit. Mais tu sais, ça dure 2 minutes, puis elle fait juste écouter. Mais t'écoutes avec elle, tu t'impliques, puis tu te rends compte que finalement, t'es autant présent dans la pièce qu'avec elle. Puis je pense que c'est ça sa grande force, c'est que Ty West, malgré qu'il n'arrive pas grand-chose à l'écran, il arrive à t'incruster dans cette espèce d'atmosphère-là, puis avec les personnages. C'est tout le temps des personnages dans des endroits solitaires. Tu sais, tu regardes House of the Devil, puis The Innkeeper, tu sais, c'est un personnage ou deux personnages dans une grosse maison, une grosse demeure, puis il arrive à créer une espèce d'identité à la demeure, justement, puis à créer des espèces de mystères. Fait qu'il faut juste prendre le... J'ai pas envie de dire son mal à patience, parce que pour moi, c'est pas genre je m'emmerde pendant une heure. Non. C'est un peu comme un The Witch, tu sais, c'est le genre de film où que... Faut juste tu te laisses aller, tu te laisses porter par l'atmosphère puis des personnages. C'est ça. Puis j'essaie de me rappeler, mais ce que j'aime bien dans ce qu'il fait, c'est qu'il y a toujours des prémices qui sont très, très groundées dans le réaliste. Oui, ben ouais. Si on pense à The Sacrament, House of the Devil, The Innkeepers, même son segment dans VHS, c'est dans le premier? Oui, dans le premier, oui, c'est vrai. Tu sais, t'as pas le choix de regarder ça en te disant, OK, je regarde de quoi qui est vraiment, vraiment, tu sais, de banal, là, tu sais. Mais il réussit à comme te mettre un petit quelque chose qui te dit, attends un peu, il va arriver quelque chose, tu sais. Et il fait, tu... je pense, exemple, à House of the Devil, tu sais. Ce qui se passe avec son ami en voiture quand elle rencontre un gars dans le... dans un genre de cimetière, tu sais. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez assez du film, ouais, tu sais. Ouais. Là, où est-ce que tu fais comme... what? OK. Mais là, il vient vraiment de se passer quelque chose. Puis là, tu te dis... là, dans quoi qu'on est embarqué? Puis là, mais... Toi, tu as eu cette information-là, personne d'autre. Je repense à Innkeeper. J'ai pas un manus que le piano joue tout seul. Je suis dit pour l'avoir. Il me semble que, genre, après 35 minutes, il y a une ou deux notes du piano qui jouent tout seul. Puis il y en a un des deux qui pensait que, que l'autre était assis au piano. Demain, il n'y a personne d'assis au piano. Ou, tu sais, il y a un peu l'étrangeté avec la comédienne. Dans l'hôtel, il y a une comédienne qui est dans une chambre d'hôtel là, dans The Innkeepers. En tout cas, ça fait vraiment longtemps là. Tu sais, puis The Sacrament, c'est juste que tu l'écoutes puis t'es tout le temps comme sur le qui-vive, même si c'est vraiment long qu'il se passe quelque chose. C'est vraiment, il utilise le côté ordinaire puis il en fait quelque chose d'excitant, tu sais. De House of the Devil, la première heure, c'est vraiment juste la fille qui marche dans la maison, qui monte les escaliers, qui écoute, ouais, les bruits. Mais j'aime ça, tu sais, c'est vraiment, oui, cette heure-là, je la dévore à chaque fois. Puis c'est avec des petits trucs anodins que vraiment il vient me chercher. Moi, j'aime ça, les côtés atmosphériques, ou que ça vient avec des bandes-sons, ou qu'on entend des craquements de portes de bois. Mm. Tu sais, une de mes scènes favorites dans celui-là, c'est juste quand la fille prend son Walkman, elle passe à la musique, oui, puis elle commence à danser partout. Tu sais, c'est rien d'extraordinaire, mais la façon que Ty West l'amène, puis que c'est shooté, je trippe autant que devant une grosse scène d'horreur ou de meurtre, là, tu sais. Ouais, tu sais, puis à toutes les fois, elle ouvre une pièce, elle ouvre la lumière, puis tu fais comme, ah, non, OK, il n'y a rien dans cette pièce-là. tu dis, il y a de quoi dans cette maison-là? Maintenant, elle va trouver quelque chose qui n'a pas de bon sens, tu sais. Puis c'est des drôle, fois, c'est juste, elle entend la mère au deuxième, ouais, étage, là, qui fait craquer le plancher, puis elle fait comme, OK. Mais là, tu fais, ah, la madame a bougé, OK. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, la madame, puis c'est qui? Mais tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que la prémisse mystérieuse de base fait toute la job. Tu sais, la fille est engagée pour s'occuper d'une mère qui est dans sa chambre, qui sort jamais, puis est payée pour une nuit pour faire ça. Et puis on sait pas si c'est pièces pour la 400 nuit. Pièces. On sait pas c'est qui vraiment la mère. Les gens qui l'ont engagée semblent douteux. Fait que quand les, oui, gens s'en aillent et sont rendus tout seuls, déjà là, t'es pas à l'aise parce que tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Puis ça devient de plus en plus fréquent. Fait que, tu sais, déjà là, avec cette prémisse-là, tu fais quoi d'atmosphérique au bout, là? Tu sais, puis il y a juste une passe au début, parce qu'il y a le monsieur puis la madame. Le monsieur, il est allé au deuxième, il parle avec quelqu'un, elle pense qu'il parle avec sa blonde, mais sa blonde sort du sol. Fait que là, elle fait comme, vous étiez pas avec lui? Il parle avec qui? Puis là, elle y explique pas, puis t'es comme, c'est niaiseux, là. Il vient juste de se passer quelque chose que les gens ont l'air d'éviter, mais t'es comme, c'est tellement anodin, mais toi tu le remarques, puis t'es comme, calisse, qu'est-ce que, tu sais, je pense juste à aussi son segment dans VHS, la femme qui cogne à la porte, puis qui dit genre, peux-tu téléphoner, ou je sais pas trop quoi, on a eu un problème, puis il répond pas, ouais, puis là t'es comme, ok, mais pourquoi qu'il nous a montré ça? Pourquoi quelqu'un n'a pas? Il est bon pour juste nous mettre un petit poke pour faire comme, hey, reste avec moi. En même temps, c'est difficile de conseiller du Ty West pour quelqu'un qui n'a jamais essayé, mais j'ai l'impression que le plus accessible, en guillemets, ça serait The Sacrament. Je pense, ouais, que j'irais avec celui-là parce qu'il y a, ouais, quand même une bonne progression pour quelqu'un qui est moins habitué à son style. Là. Ouais, faites juste pas lire sur la ouais, vraie histoire. Non. Moi je savais pas que c'était une histoire. Je savais pas que c'était basé sur une histoire vécue. Fait que ça a été une surprise. Juste pour rajouter une petite affaire à ce que vous dites, Ty West, de la manière que je le vois, j'ai juste vu deux de ses films. J'ai juste vu House of the Devil puis The Innkeeper. J'ai pas vu le reste. Mais je le vois comme un réalisateur qui est très bon pour faire des références. C'est un réalisateur quasiment nostalgique, ce qui peut être une mauvaise chose en certaines mains, mais lui, il maîtrise bien ses références. Il en met beaucoup, ouais, mais ça nuit pas nécessairement au film. T'sais, The Innkeeper, c'est très Kubrickien comme film, c'est très Shining-esque. Ouais. House of the Devil, c'est vraiment dans les années 70-80. Tu t'imagines un film de fin des années 70-80. Oh, oui, la Black Christmas. Ou... Il est allé chercher celle qui vend la maison au début du film, c'est Dee Wallace qui joue dans The Howling puis dans E.T. Oui. Mm-hmm. C'est ça, il va chercher du puis dans Cujo, je pense que c'était la mère aussi. Ouais, c'est la merde. C'est ça, il va chercher des références comme ça, mais ça nuit pas à son propos. Puis il y a tellement beaucoup de talent comme réalisateur. Je les ai juste vus une fois chaque, les films, mais j'en garde des images très très fortes, des bonnes impressions, puis tout. Là, ouais. C'est que malgré des références, son identité est là. Tu regardes un film de Ta West, puis tu le reconnais. Il y a des gens qui vont faire des références pour faire des références, puis leur film va baigner dans la nostalgie, puis ça va être juste ça, puis il n'y aura pas de talent. T'sais. Puis lui, non, c'est un vrai réalisateur avec une vision, puis tout. T'sais. C'est pas juste ça. Là, mais ça baigne quand même beaucoup dans ça, là, t'sais, les films, mais c'est pas juste ça. Sur Twitch, il y a FloppyZ27 qui nous demande, avez-vous vu son western? Là, je me souviens pas, Steven, l'as-tu vu? Moi, je l'avais vu au Fantasia, j'avais beaucoup aimé. Ça touche-tu là? Le Slow Burn, ou c'est un western autre? Oui, quand même, c'est loin d'être un film qui mise sur des gunfights à profusion, là, ça arrive juste vers la fin, mais ouais, tu reconnais quand même sa touche, le côté nostalgique, comme dit Jean-François, tu penses au western de Sergio Leone, tout ça, c'est très présent, mais c'est... Ouais, tu reconnais quand même sa touche, je te dirais c'est peut-être un aussi qui est plus accessible, c'est moins Slow Burn également, là. Mais j'avais quand même bien aimé... Là, il y a sur le chat, il y a Ivy Killer qui dit il fait d'excellents films, mais Cabin Fever 2, c'est vraiment mauvais, malheureusement. Et je suis en désaccord. Ben, moi aussi. On l'aime, Cabin Fever 2. Il faut prendre pour les circonstances. On n'aime pas le remake, non, s'il vous plaît. Ce remake n'existe pas, Vicky. Tu sais, Cabin Fever 2, c'est un film que Ty West renie. C'est plus son film parce que ça a été charcuté par les producteurs, puis même que les derniers 20 minutes, ça a été réalisé par un autre gars, puis ça apparaît quand tu écoutes le film. Ouais. Ça a été remonté de toutes sortes de façons à ce que... C'est vraiment plus le film que Ty West on devait avoir, mais crime... Tu regardes ça, puis tu dis, man, je vais regarder un bordel, là, puis je vais trouver ça catastrophique. Puis j'étais comme... Hey, j'ai vraiment du fun. J'ai trouvé la première heure tellement le fun que je me dis, fuck, j'ai envie. La version de Ty West devait être un masterpiece. Ah, God, elle traîne d'un armoire quelque part, puis j'ai vraiment le goût de la voir. Je sais pas si ça va arriver un jour, là, mais. Ah, je pense pas. Oublie ça. Je pense que Ty West est passé à autre chose, puis il voudra jamais retoucher à ce film-là. Probablement. Il l'a vraiment eu sous le cœur, celui-là. Mais non, moi, sérieux, c'est, comme tu dis, c'était. On aurait pu s'attendre à un gros bordel, mais. Non, c'était bien, bien plaisant. On passe au mercredi, troisième journée. Les Sœurs Soska. Et je sais que les Sœurs Soska, pour ceux qui ne les connaissent pas, comment qu'on les définirait? Ben, c'est des Canadiennes déjà. Mm-hmm. Jumelles qui focusent beaucoup sur le gore. Je pense surtout que leur popularité va justement avec leur image de jumelles un peu gothique, tout ça. Puis on joue beaucoup là-dessus, je pense, en se faisant remarquer avec American Mary, dont elles tiennent un petit rôle. Mais en dehors de ça, tu remarqueras qu'après American Mary, ou même avant, les gens semblent plus ou moins les suivre ou parler de leur film, là. Leur dernier, c'est-tu le See No Evil 2? Non, je pense qu'on va dire deux, trois trucs après, okay. dont un film de prison à la Prison Break. Là, ça te lâche avec ce qu'ils ont fait. Là. Mais peut-être qu'ils cherchaient. Ils cherchaient peut-être beaucoup, parce que après flop, tu te dis, je vais essayer d'autres choses à un moment donné. Là. OK. Je vous invite, pour ceux qui ne savent pas, dans l'entrevue avec Maud Michaud que je fais, on n'en parle pas. Tantôt, on va vous passer une petite entrevue avec Maud Michaud. Mais dans l'épisode de Fan de film, Maud Michaud parle beaucoup de l'aide des Sœurs Soska. Ils sont très, très, très impliqués dans tout ce qui est la promotion des fans des femmes dans l'horreur. Ah, toutes les années, ils font des trucs pour les courts-métrages qui sont réalisés par des femmes et tout ça. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut dire qu'elle s'illustre beaucoup. Moi, j'avais pas été un fan vraiment de American Mary. Je trouvais que ça n'avait pas été où ça aurait dû aller. Là. Ça, c'était très timide dans son gore et tout ça, alors que la prémisse nous donnait l'impression qu'on allait être servi en hémoglobine. Surtout en connaissant un peu les deux réalisatrices, je me serais peut-être attendu à plus. Mais il y a un film d'elle que je ne connais pas et que JF a écouté. Et c'est lui que je voulais écouter cette semaine, puis je ne l'ai pas vu finalement. C'est le seul soir, je crois, où j'ai dérogé de la liste. Mais je voulais que tu nous en parles, JF. C'est Dead Hooker in a Trunk. Alors, j'ai pas vu American Mary, je peux pas comparer les deux films. Puis, donc c'est ta première fois. Ouais, c'est ça, c'est ma première expérience avec les sœurs Soska, puis je les connaissais juste de réputation aussi. C'est un premier film, c'est leur premier long métrage si je me trompe pas, puis c'est beaucoup inspiré du cinéma, du style de cinéma que Robert Rodriguez a fait à ses débuts. Ils sont des grandes fans de El Mariachi. Ils ont lu le livre de Robert Rodriguez sur comment faire des films avec pas une scène, puis ils ont pris ce livre-là, puis ils ont appliqué ses conseils pour faire Dead Hooker in a Trunk. Dans lequel elle joue les rôles principaux, elles l'ont écrit, réalisé, tout fait. Puis c'est vraiment un travail d'équipe. Les acteurs principaux ont aussi travaillé sur le montage, les effets spéciaux et tout ça. Ça a le feeling d'un film étudiant. Ça a le look d'un film étudiant. T'sais, c'est pas nécessairement fait quelque chose. C'est pas fait pour des cours, je pense. C'est fait professionnellement, mais ça a le look de tellement de films que j'ai vus à l'université. Pas de budget, pas de moyens, tu sais, la prise de son est pourrie, des fois t'entends pas les dialogues parce que le micro est trop loin, tu sais, mais les scènes de gore, les scènes d'action, c'est là que ça chaîne, c'est là que les réalisatrices se démarquent un peu plus, ils font des scènes d'action qui sont le fun, qui sont divertissantes, qui sont inventives, ils ont des, inventives dans le sens que... Non, pas inventif, c'est pas le bon mot, parce que c'est dynamique, c'est le fun, mais ça copie un peu trop peut-être Robert Rodriguez, parce que c'est drôle, parce que cette affaire-là, cet aspect-là de Robert, leur attachement à Robert Rodriguez, je l'ai lu après, mais quand je regardais le film, je me suis fait la réflexion, j'ai fait « Chris, ça me fait penser des fois à El Mariachi », puis c'est après ça, j'ai lu ça, j'ai fait « Ah ben tiens, c'est pas pour rien, ils ont vraiment peut-être copié des plans des fois à certains moments, mais... C'est ça, j'ai trouvé ça moyen, tu sais. Toutes les passes où les personnages parlent, je me colissais de ce qui se passait. Oh. C'est juste les scènes d'action qui étaient le fun. L'histoire, je m'en sacrais. Mané, j'étais vraiment confus dans tout ce qui se passait. Tu sais pas vraiment qui est le méchant. Mané, il apparaît le méchant, tu fais « Ah, c'est lui le méchant? » Ok, j'avais pas compris, mais c'est pas grave, tu sais. Puis j'avais mes écouteurs, j'écoutais, mais tu sais, c'est comme... C'est ça, c'est pas clair, c'est pas... Il arrivait pas à... Non. Ah, il faut qu'elle recommence là. Puis les acteurs, les actrices sont pas bons. Les sœurs Soska, c'est pas des bonnes actrices. Ouais, ça on pouvait le voir dans American Mary aussi. Eh boy, hein. Ouais, non. Je veux dire, ils essayent. Tu vois qu'est-ce qu'ils essayent de faire, mais non, ça marche pas. C'est très amateur comme film. C'est un petit peu divertissant dans ses scènes d'action, dans son gore, mais c'est pas quelque chose que je recommanderais nécessairement là, t'sais. Ils avaient fait aussi un segment dans ABC of Dead, je pense que c'est le premier ou deuxième, mais c'était un des pires segments de l'anthologie. Puis on dirait qu'à toutes les fois que je découvrais de quoi après American Mary, que j'ai trouvé personnellement vraiment décevant aussi, Seb, autant je trouvais les 40 premières minutes intéressante. Ouais. À partir de la deuxième moitié, je trouvais que ça sonnait dans n'importe quoi. Leur build-up, tu sais, comme la montée de Mary avant qu'elle commence à être violente, là, c'était intéressant. Puis dès qu'elle venait violente, tu faisais comme « Ok, mais là, je voudrais avoir ce que vous m'avez promis. » Tu sais, j'ai pas vu sinon... Ouais, vas-y, c'est le Jeff. Ben, je voulais juste dire, il y a des affaires que je comprenais pas, qui étaient illogiques, tu sais, c'est un scénario très léger, t'sais. Mais t'as une fille, à un moment donné, sont une gang là, qui vivent leur aventure. Parce que c'est une gang qui se tiennent ensemble tout le long du film. Puis il y a une fille qui se fait arracher le bras par une vanne qui passe à un moment donné. Puis là, eux autres, ils ramassent le bras. Puis à un moment donné, plus tard dans le film, ils vont finir par l'amener à l'hôpital. Puis ils vont rattacher le bras. Mais le reste du film, après ça, est correct. Puis elle va te bouger son bras. Puis tout est correct. Je suis comme. Attends un peu, là. Ça a quand même un petit côté. je dirais pas réaliste, mais ça reste grounded dans quelque chose de c'est pas, y a pas de surnaturel nécessairement dans le film, y a pas de, mais on se ramasse avec une fille qui se fait rattacher un bras, puis c'est comme j'ai pas compris comment est-ce que son bras peut fonctionner après là, mais si on se fait à la pochette puis le titre, c'est pas ça n'essaie pas d'avoir une vibe grindhouse, l'exploitation, ou que ça va un peu dans le ridicule, oui. Puis l'over the top, oui, justement. Oui, oui, oui. Une fille, ouais, ça se fait taper avec un bat de baseball ou quelque chose derrière la tête, puis son œil arrache, parce que ah ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'ai pas vu leur Sino Evil 2, mais tu sais, apparemment que c'est affreux, ça, avec. Puis c'est lui que j'avais envie de voir, moi, pour. Ouais, c'est ça, j'avais espoir que tu le vois. Ouais, non, malheureusement, c'est parce que j'avais pas envie de payer 5,99. Fait que, oui. Au départ, moi, je pensais que le film était soit sur Shudder ou sur Tubi. Fait que c'est ça qui est arrivé. Steven, combien de navets t'as payé en Blu-ray? Puis tu dis ça. Il est en train de compter, on va le laisser jusqu'à la fin de l'épisode. Tu me fais penser que j'ai quand même payé 4$ pour ce film-là, pour Dead Walker sur Google Play. Fait que, je pensais que tu avais écouté ce film-là sur Tubi. Fait que je suis comme, je vais écouter celle-là. Je m'en vais sur Tubi. Je suis comme, non, il est pas là, il est nulle part. Là, je vais en voir. Je peux pas croire que Jeff a payé pour ça. Il veut jamais payer d'habitude. Finalement, il a payé pour moi ça. Moi, je pensais que tu l'avais à ta bibliothèque, là. Comment ça s'appelle? Oupla, non. Comment ça s'appelle, l'autre? Oupla, non. Non, je l'ai pas vu là-dessus, non. Hey, gang, c'est ce qui conclut notre troisième journée des 31 jours d'horreur. Puis, je pense que c'est comme le bon moment pour prendre une petite pause musicale. Et là, pour les pauses musicales, on n'a même pas besoin de se forcer pour trouver des suggestions musicales, parce que Guillaume Couture, là, il nous sert en suggestion musicale pendant tous les 31 jours d'horreur. Puis, bâtard qu'on aime ça. Ceux qui ne suivent pas la page, sérieux, vous manquez quelque chose. Parce qu'à chaque jour, Guillaume Couture, je vous demandez c'est qui ce dude-là. C'est un YouTuber qui a une chaîne YouTube qui s'appelle C'est nous qu'on joue. C'est très drôle comme jeu, comme nom, où il joue avec son ami à des jeux, puis il commente ce qui est en train de se passer à l'écran, et c'est vraiment niaiseux, c'est drôle à fond, c'est vraiment fait pour rigoler, puis c'est aussi un concepteur de jeux d'horreur, malsain. Je vous invite à aller voir sa page. Faudrait qu'on la mette en lien. Il avait fait un article d'ailleurs sur notre site, quand il avait fait son premier jeu. Oui, il me semble qu'on l'a quelque part, ouais. Il est transféré sur le site de Fun Regarder Film. Oui, si tu veux chercher, voir pendant que je parle. Non, c'est ça, cherche sous son nom d'auteur, parce que je pense que c'est le seul article qui est écrit. Je pense qu'il est en train de réaliser son troisième jeu. Son deuxième a eu un bon succès. Il y a eu des streamers sur Twitch qui ont parlé de son jeu, qui ont joué à son jeu live. Il a même été mentionné dans des gros magazines qui parlent de jeux vidéo comme étant des bons jeux indie fréquents du moment. C'était très malsain. Il aime jouer, pas avec le jumpscare. Il veut pas nous faire peur. Il veut nous questionner sur des fois des pulsions qu'on a à l'intérieur de nous. C'est vraiment quelque chose. Il y a FloppyZ27 qui dit sur Twitch, feu, je joue le jeu. Oui, c'est vrai, il y avait la chaîne YouTube aussi, je joue le jeu, qui était vraiment trippante. Donc, je vous invite à aller voir qu'est-ce que Guillaume Couture fait. Mais donc, ceci dit, Guillaume, pendant les 31 jours d'horreur, nous suggère à chaque jour une chanson inspirée de l'horreur, ou en tout cas qui parle du thème d'horreur, ou whatever. Et donc, il nous a suggéré toute la semaine des chansons. Et c'est le fun parce qu'il ne fait pas juste nous pitcher la chanson, il nous met vraiment un contexte crissement intéressant. Donc, je vous invite à aller voir ça. Puis là, j'en prends une facile parce que je pense que c'est peut-être un hommage qu'on va lui rendre en même temps, parce que c'est une chanteuse qui va nous manquer. On l'a perdue cette année. Et Guillaume nous l'a suggéré cette semaine. C'est en musique qu'on va se laisser pour une petite pause. Après la pause, on va se retrouver avec l'entrevue de Maude Michaud. Puis après ça, on continue l'épisode. On se laisse en pause avec Zombie de Cranberries. Puis on se retrouve un petit peu plus tard. We'll be right back. on est de retour. Ce n'était qu'un petit tease pour l'entrevue de Maud, mais vous êtes un tout petit tease de 15 minutes, mais c'est une entrevue qui dure au-dessus d'une heure, quasiment une heure et 20, je crois. Donc, vous avez juste à regarder le deuxième épisode de Fan de film pour voir l'entrevue dans sa totalité. On parle d'un paquet d'affaires, ça va vraiment être intéressant. Mais puisque c'était sa journée, la journée numéro 4, et qu'on a visionné ses films, moi j'en ai parlé un peu de son film dans l'entrevue, donc je n'irai pas en reparler en double. Mais il y a JF aussi qui a écouté son film 10. Ouais, et j'aurais aimé que tu nous en parles. Ok, ben c'est ça, ça faisait un bout de temps, je voulais le voir, parce que j'avais parlé moi aussi à Maud de 3-4 ans pour une entrevue pour j'écrivais pour un magazine qu'une de mes amies faisait, avait starté. En tout cas, j'avais parlé à Maud, puis finalement j'avais vu tous ses courts-métrages à l'époque, mais j'avais pas vu son long, puis il était pas disponible à l'époque. En tout cas, là je l'ai vu cette semaine, puis j'avais entendu des échos à travers les branches que c'était, c'est ça, j'avais des commentaires négatifs que j'avais entendus. Puis c'est un film qui est fait un peu comme le film des Sorcerer Scott dont je parlais tantôt, qui est fait avec les moyens du bord. Tu sais, tu sens que c'est ça, il n'y a pas de budget, c'est des acteurs qui sont plus ou moins tu sais, qui ont plus ou moins d'expérience, je suppose. Je connais pas vraiment leur background, mais j'ai pas vraiment, moi, embarqué dans le jeu des acteurs. J'ai pas été touché par le jeu des acteurs. Tu sais, c'est un huis clos avec surtout deux acteurs principaux. T'en as un troisième aussi qui vient se mêler, ouais, un peu à la dynamique, mais t'as deux acteurs principaux, un gars puis une fille, puis j'ai préféré le gars, en fait, l'actrice principale, j'ai vraiment eu de la difficulté à la trouver convaincante, puis... Ah, tu vois, moi, c'est le contraire. Ah ouais, ok. Je sais pas, en tout cas... Peu importe. Rien de spécifique, vraiment, là, mais non, c'est ça. Mais la première demi-heure, j'ai trouvé pénible. Ouais, quoi? Non, ok, let's go. Je pensais que j'étais encore sur mute. La première demi-heure, je l'ai trouvé pénible, mais plus ça avançait, plus puis je voyais où ce que ça voulait aller, puis qu'est-ce que ça devenait comme film. J'étais comme, ok, là, ça devient plus intéressant un peu. Mais je reste quand même sur une impression globale de quelque chose de bien, bien moyen, bien ben ordinaire. Puis je dis ça, tu sais, avec tout le respect que j'ai pour Maud, puis super gentil, puis tout. Puis je t'ai mis Facebook avec, comme je dis, depuis quelques années. Puis c'est ça, tu sais, je voulais pas qu'on tombe non plus dans la complaisance ici dans le podcast, puis qu'on fasse ah oui, c'est merveilleux, c'est un chef-d'œuvre et tout ça. Non, tu sais, je le trouve bien ordinaire, le long métrage, là, puis je pense qu'il y a quand même du potentiel. Il y a certaines scènes qui sont quand même pas pires. Tu sais, il y a une scène dans le garage souterrain de l'immeuble qui peut être un peu stressante si on veut. Il y a quelques petites affaires comme ça, mais sinon, je trouvais que c'était. C'est ça. J'ai trouvé ça un petit peu long puis un petit peu pénible, en fait, pour être bien honnête, là. Je le dis dans l'entrevue, là, mais il y a deux scènes que j'ai regardées comme ça. Ah, puis okay, ouais, t'as trouvé. J'avoue que dans le podcast sans le live et la webcam, c'est un peu tannant de pas dire que j'avais mes deux mains devant les yeux. Mais oui, j'avais mes deux mains devant les yeux. Ouais, mais il y a une femme qui s'auto-inflige quelque chose qui m'a vraiment fait me tordre sur ma chaise. Mais même là, je sais pas, c'est les effets spéciaux qui sont trop faits maison, trop cheap, que tu fais, ouais, non, je... Non, pas vraiment, pas pour moi, ça a pas vraiment fonctionné pour moi, je suis désolé. Autant que je trouve Maud sympathique, autant que non, son film vient pas me rejoindre, tu sais. C'est bon. Mais écoute, on laissera les gens, ceux qui l'ont vu, on aimerait bien ça savoir ce que vous en pensez. Un avis de certaines personnes, d'ailleurs, sur notre page qui en avait parlé, qui avait bien apprécié. Vous pouvez regarder ses cours en plus, si vous ne voulez pas juste vous taper un long métrage. Oui, ça s'appelle. Ben, son titre original, c'était 10 DYS, mais c'est devenu At the Door. C'est disponible sur toutes les plateformes digitales, je pense. Les producteurs trouvaient que 10 était pas assez vendeur, fait qu'ils ont demandé de changer son titre. Je pense pas qu'il y ait eu de changement au montage entre les deux versions. Puis sa compagnie, c'est Quirk Films. Tu le dis dans l'entrevue de toute façon, tout ça, là, mais elle a un site internet, puis tout est là-dessus. Là. Yes. Donc, ça, c'était la quatrième journée. On passe à la cinquième journée, et c'était une autre réalisatrice, et c'était Karine Kusama. qu'on a pu découvrir vraiment dernièrement avec son film disponible sur Netflix, The Invitation. Mais c'est aussi elle, entre autres, qui avait fait Jennifer's Body. Et son film qui a comme fait un flop, c'est Iron Flux. Ouais, mais je me trompe entre Iron Flux ou Ultraviolet. Là. Je ne me rappelle jamais c'est écrit. Oui, Iron Flux, puis c'est une réalisatrice qui l'a pas eu facile. Il y a plusieurs interviews puis de trucs par rapport à ça, puis c'est vraiment intéressant. Mais tu sais, même son Jennifer's Body a quand même été un peu charcuté, mais tu sais, il existe en version unrated sur Blu-ray. Mais même la promotion, puis la façon que ça a été vendu, puis tout, je pense que ça n'a pas marché comme ça l'aurait dû. Puis c'est un film que je trouve personnellement très sous-évalué de nos jours. Puis tu sais, c'est par la scénariste de Juno, si je ne me trompe pas, qui a fait ça. Puis on retrouve son humour crunchy avec la mise en scène de Karen. Puis tout le monde voyait ça, à cause que Megan Fox était en premier plan, tout le monde voyait ça comme des petits films d'horreur nounouche avec la fille de Transformer, puis que ça allait être seulement un film pour ados, mais c'est tellement plus que ça. Ça joue avec les codes, ça joue avec les clichés, puis les personnages sont tellement le fun là-dedans. Puis c'est tellement pas le film que les gens s'imaginaient, puis c'est pour ça que ça a floppé selon moi, puis je trouve ça dommage parce que c'est le genre de film qu'il faudrait peut-être réévaluer de nos jours, puis les gens devraient lui donner une autre chance, là, parce que c'est vraiment le fun. Oui, vraiment, puis je serais curieux de voir son nouveau film qui est sorti cette année, Destroyer. Oui, j'ai bien hâte de voir ça. Entre autres, Nicole Kidman, qui est assez méconnaissable, entre autres. Dans le... Mais Vicky, je sais que toi, tu as vu son segment dans l'anthologie XX. En fait, j'essaie de rebondir sur Steven. Moi, je suis de celle qui a carrément boudé Jennifer's Body en pensant justement que c'est un mauvais film d'horreur qui ne s'adressait pas à moi du tout. Et cette semaine, quand j'ai fait mes recherches et j'ai vu que c'était la même réalisatrice que The Invitation, j'ai fait « Ok, Vicky, tu vas être obligée de donner ta chance. » Tu sais, un peu comme, voyons, pourquoi j'ai un mauvais... je vais le trouver, le film de Loup-Garou avec les sœurs, là. Ginger Snap que j'avais vu à l'époque puis que j'avais pas compris, ben que j'ai redonné une chance et que j'ai adoré ce film-là aussi. J'ai envie de lui donner une chance et je pourrais vraiment l'adorer. Je vais lui donner une chance très neutre parce que j'ai adoré, vraiment adoré The Invitation. J'ai trouvé ça très intelligent, donc je me dis, si elle a réalisé Jennifer's Body, probablement qu'il peut être plus intelligent que ce que je m'attendais. Alors maintenant, le segment. Je l'ai dit à Sam, je tiens à parler de ce film-là, cette anthologie-là, parce que j'ai adoré tous les films de l'anthologie. Son segment, comme les autres, vraiment, c'est une excellente anthologie. C'est disponible super facilement. C'est Netflix XX, donc vraiment double X, là, si vous le cherchez. J'ai adoré autant son segment que toutes les autres. J'ai adoré la disposition des segments aussi, un film après l'autre. Et... vraiment, là, il y en a quatre, si je me souviens bien. Moi, j'en oublie un. C'est le dernier. Ah oui, c'est le dernier. Excellent. Her Only Son. Oh oui. Et il est excellent. Il est vraiment excellent. Il m'amène à plein de places que je ne penserais pas que le film pourrait m'amener. Encore une fois, un film très intelligent. J'adore notre semaine parce qu'on voit les sœurs Saskia. Après ça, on voit Maud Michaud. Après ça, on voit Madame Ici, que j'ai oublié le nom. Mais ça montre que le cinéma féminin n'est pas un cinéma en soi, un peu comme le cinéma québécois n'est pas un cinéma en soi, dans le sens où c'est pas parce que t'es une femme que tu fais un type de film, c'est pas parce que tu fais du cinéma québécois que tu fais un type de film. J'ai également vu 10, pour des raisons personnelles, j'ai décidé de ne pas le critiquer au micro ce soir, mais c'est que ce qu'on a ce soir au micro, durant le podcast, c'est trois femmes qui ont fait un duo et deux autres, qui font des films totalement différents et vous pouvez aller chercher ce qui vous tente là-dedans et ça détruit un peu le mur du cinéma au féminin. Moi, savoir que The Invitation, ça a été réalisé par une femme, ça aussi, j'étais un peu flabbergastée, je savais pas. Et ça m'a vraiment surpris. Et le segment, son segment XX, je l'ai trouvé touchant, intéressant, vraiment, vraiment, vraiment intéressant. C'est une anthologie à voir et ce segment-là est encore plus à voir. Et en plus, The XX, si je me souviens bien, c'est une anthologie de quatre films réalisés par des femmes. Et encore une fois, vous allez voir comment le cinéma au féminin n'est pas un genre en soi. Et c'est intéressant de se dire, ben, si on donne plus la chance aux femmes, on va peut-être se rendre compte qu'il n'y a pas un carcan féminin, mais plutôt un regard féminin, tout simplement. Ouais. Alors, vraiment, là, ce film est à voir. C'est ouais, on s'étardera pas là-dessus, mais j'avais juste pas aimé le segment avec la petite gang de campeurs sur le bord d'un rocher, je sais pas trop quoi. Là. Ça, j'avais moins aimé ça, mais dans X. Ça fait très VHS. Pour les fans de VHS, ça peut être intéressant. Ouais, mais moi aussi, c'est celui qui m'a moins intéressé des quatre. Mais je pense qu'il va aller chercher une catégorie de gens qui ont aimé les VHS. Mm-hmm. Puis moi, c'est dommage parce que j'avais aimé l'anthologie, puis j'avais pas pu la terminer. Tu sais, c'est tout le temps ça, une anthologie, tu dis tout le temps, je commence ça, puis c'est cool parce que je peux l'arrêter quand je veux. Mais dommage, souvent, on fait comme... hey, finalement, j'ai jamais terminé, puis il manque juste le dernier segment, là, tu me donnes vraiment le goût. C'est vraiment, vraiment bon. Parce que moi, j'avais aimé le segment de Birthday Party. Avec Mélanie Linsky. Moi, Mélanie Linsky, je l'adore. Puis, écoute, si vous voulez un segment qui parle de la pression qu'une femme peut se mettre sur les épaules alors que tout va mal autour d'elle, je pense que ça dépasse les limites. Puis, comment réussir à faire une comédie d'horreur en 15 minutes? Bravo pour l'exploit. Comment réussir aussi à nous faire rire avec un thème massacrant? Oui. Bravo l'exploit. Puis comment tout rapper un film avec une seule phrase finale? Puis moi, j'ai envie de rire. C'est quoi la dernière phrase? Tu spoileras pas, je pense. Hein? C'est quoi la dernière phrase? Tu la spoileras pas? En fait, non, pas tant. C'est une phrase écrite à l'écran qui dit « Voici comment Emily a été perturbée à sa fête. » Oui! C'est comme... Oh, c'est tellement personnel et touchant. Elle a eu besoin d'un psy pendant tellement d'années en pensant que sa mère était... J'ai envie de rire parce que je vois la face à Steven depuis 5 minutes, puis je me rappelle de l'épisode de Séance de minuit sur X. Fait que... je me rappelle. Vous avez fait une séance de minuit dessus, je vais l'écouter. Non, t'as rien à dire, c'est bon. écoute, le film est rendu vague dans ma tête, mais moi, on était tous sur séance très excités de tout ça, une anthologie. C'est un projet qui traînait depuis longtemps, tout par des femmes, puis on était vraiment chaud à l'idée. Puis j'ai quand même globalement été déçu. Je trouvais que le premier segment était le plus intéressant au niveau du fond et de l'histoire, mais j'ai trouvé les autres assez pauvres, surtout celui du campeur, là, tu l'as dit, c'est pas mal le plus plate. Là, ça laissait d'être en mode party, gore-fest avec une créature, mais ça marche pas tant que ça. Puis le dernier, c'est lui que je préférais avec le premier, mais... Je trouve qu'on ne retrouvait pas forcément le génie de Invitation. Ça me faisait penser à un autre film, je ne sais plus trop quoi. Là, ça fait trop longtemps que je l'ai vu. Là, j'en parle dans le podcast, mais ça m'avait laissé un petit peu sur ma faim. Je pense que ce que j'aimais beaucoup, c'était l'atmosphère du wraparound en image par image, que je trouvais ça intéressant. Ouais, ça l'amenait vraiment une bonne ambiance, mais je sais pas. Peut-être que mes attentes étaient trop hautes, mais je trouvais que ça manquait de quelque chose. Je trouvais que c'était une anthologie un peu décevante. Sans dire que c'est mauvais. Sans vouloir juste te tenir, juste dire moi comment je l'ai vu pour le même point que toi. Moi, j'ai trouvé que The Invitation, c'est un sujet qui se fait en longueur. Alors que le sujet du dernier segment qui est Her Only Son, à moins que tu sais, comme ça tourne autour de. C'est ça, quelque chose comme ça. Her Only Son. J'ai l'impression que si on l'avait fait en long métrage, on aurait ajouté des personnages superflus, puis des scènes superflues, des moments superflus. Je trouvais que The Invitation se fait en longueur, alors que ce sujet-là se fait en cours. Et pour vraiment défendre, mais pas défendre la réalisatrice, mais plutôt défendre mon point de vue par rapport à ces films-là, c'est que je sens que ces deux sujets-là méritaient un traitement de temps différent, et je trouve qu'elle a bien exploité son temps de caméra à chaque fois. Ah, j'ai pas vu The Invitation, mais t'as vraiment pas le choix avec le petit court-métrage de vraiment rester avec les deux personnages, la mère et le fils, tout le long. C'est ça qui fait la force de ça. Là, dans mes souvenirs, c'est parce que j'avais trop le feeling d'avoir vu de quoi auparavant qu'on avait déjà eu récemment dans la même thématique, puis j'avais trouvé ça plus efficace. Mais dans mes souvenirs, c'est vraiment juste que j'avais apprécié quand même la première partie de ce segment-là, puis le dénouement, puis le tout, je trouvais que ça... Je trouvais que ça manquait de surprise. C'est ça qui est arrivé avec cette anthologie-là. Je trouvais qu'on était beaucoup en terrain connu. Puis, Mais je t'inviterai à le réécouter si t'es à l'aise. J'ai mon Blu-ray depuis ce temps-là. Fait que je t'inviterai à le réécouter parce que au contraire, moi, j'ai trouvé que la fin m'a lancé une belle surprise. Mais tu sais, honnêtement, je parle là, puis c'est juste tellement vague que je peux pas dire en détail, mais si t'es curieuse, va écouter notre épisode, on en parle quand même en détail. Puis ça, c'est Steven tout craché, c'est notre gang tout craché, c'est Steven qui a moins aimé le film, mais c'est lui de nous trois, c'est lui de nous quatre qui l'a embloué. Ouais, ben... Il l'a acheté avant de le voir. Ouais. Il y a sur Twitch, il y a Ivy Killa qui dit les épisodes de Halt and Catch Fire qu'elle a réalisé sont très bons. C'est une série télé, je ne connais pas. J'ai essayé d'écouter cette série-là, j'ai pas accroché. C'est toi, Jeff, qui a accroché? Non, c'est un nom de mes amis. Non, je l'ai pas écouté, mais ça m'intéresse aussi. Moi, j'ai fait 3 épisodes, puis j'ai pas accroché, fait que j'ai arrêté. On m'a dit ça part après saison 2. Je fais ouais, j'ai pas ce temps-là. Fait que... Mais Jeff. Écoute The Invitation sérieusement. Oui. Il est dans ma liste. Ouais. Mais c'est ton genre. C'est vraiment ton genre, GF. Ah non, vas-y, excuse. Non, c'est juste que je trouvais intéressant son cinéma à elle. Puis je voulais juste finir par je vais écouter Jennifer's Body parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans son cinéma qui m'interpelle plus que ce que je pensais. J'ai écouté Jennifer's Body. J'étais de ceux qui l'ont boudé, qui l'avaient boudé. Ouais. Et malheureusement, ma blonde m'a trické à ne pas terminer le film. Ça faisait quoi, ça? Écoute, classique, OK? Elle dit hier soir, j'aimerais ça qu'on ait des amis à soir à souper. OK, c'est bon, je vais écouter mon film après-midi. Ça te dérange-tu? Non, non, pas en tout. Puis là, elle est assise avec moi. Elle fait comme, ah, ton film n'intéresse pas, j'allais faire le ménage de la remise. Ouais, je calme, moi. Je vais rester assis devant mon film, puis je vais te laisser faire le ménage de la remise tout seul. Ah non. Fait que je me suis levé, j'ai fait le ménage de la remise, j'ai jamais terminé Jennifer's Body. C'est oui, c'est ça. Moi, ben chill, c'est divin. Comme, c'est pas pire le ménage, ça va bien, OK. Mais, sérieux, j'ai peut-être une heure d'écouter, là. Et, puis, j'étais dedans, là. Elle, quand elle s'est levée, puis elle fait, oh, finalement, j'aime pas ça. J'étais comme, sérieux, t'aimes pas ça? J'étais en train de vraiment me taper dessus en me disant, Sébastien, pourquoi t'as boudé ce film-là? C'est vraiment amusant. La réalisation est intéressante. Tu l'as dit, Steven, elle connaît les codes. Elle s'amuse avec. Même Megan Fox, moi, je suis pas un fan, mais là-dedans, j'ai trouvé vraiment trippante. L'introduction du film fait en sorte que tu écoutes le film et tu fais « OK, mais comment qu'on se rend au début? » Finalement, parce que le début a l'air comme d'être la finale, en tout cas, j'étais comme, comment on va se rendre là? Moi, ça m'a accroché à fond, j'ai vraiment trippé. Il y a des scènes crissement bien réalisées, il y a des scènes qui sont d'une. Pas pesantes, là, mais qui sont tellement weird que tu regardes, tu fais, c'est tellement malaisant ce qui est en train de se passer, c'est bizarre! Je comprends pas en tout. OK. Mais non, c'est ça. Elle m'a vraiment accroché solide. Juste la blague. Tu sais, l'espèce de cliché du groupe rock satanique qui vont faire des rituels, tout ça. Puis là, t'as comme leur maudite tune qui repasse tout le temps à la radio parce que c'est devenu un rituel. Puis à un moment donné, ils font jouer ça dans l'école en hommage aux personnes qui sont décédées. Je sais pas si tu t'es rendu là. Non. Mais en tout cas, c'est hilarant. La fille, le personnage principal n'est plus capable de ce maudit tune-là, mais elle joue tout le temps, genre. Puis la première fois que... la première scène où Megan Fox revient un peu transformée est quand même creepy. Les scènes d'horreur sont efficaces. Là, ouais. Sont je n'ai rien eu à redire sur ce que j'ai vu de ce film. J'ai vraiment hâte de le terminer, sérieusement. Ne boudez pas votre plaisir parce que c'est Megan Fox qui est là à l'écran. La remise est propre? Hein? La remise est propre? Non, c'est tout le temps ça qui crée de problème. C'est que là, tu vides toute la remise, puis là, on fait comme, hey, on avait acheté des racks à pneus, on va poser les racks à pneus. OK, cool, là, on va trouver les supports dans le mur, puis là, tu fais comme, shit, on n'est pas capable de les trouver. On va juste scier une partie du plancher en bas du mur pour trouver les supports. Puis là, finalement, bon, ben, OK, cool, on perce les trous. Ah, ben, j'ai pas la bonne douille pour les vis. Ah, quand même. Finalement, c'est 2h30 plus tard, puis tu fais, bon, ben, on s'en va chercher les enfants à la garderie. Fait que j'ai 2 trous dans le mur. Tout ce que j'ai fait. Aucun ménage, 2 trous dans le mur. Oh God! Mais regarde, ce n'est pas un épisode de rénovation, c'est un épisode de cinéma. Fait que, regarde, on va parler de ce qu'on se connaît, de ce qu'on connaît, puis on va parler de Lamberto Bava. Yes! Qui était de... Oh God, NGF! Ben moi, j'étais un gros fan des deux Demons. Ben vas-y, vas-y. Jeff qui dit yes à un Lamberto Bava, c'est comme quelqu'un qui dirait yes à un Bruno Mattei, c'est hot, là. Ben j'aime ça, moi, les deux Demons. C'est quelque chose qui se passe avec Bruno Mattei. Mais tu sais, Demons, j'ai connu ça, tu sais, à la fin des années 80, début 80, non, plus début 90, le mi-90 même, j'étais à l'adolescence, puis je sais pas, ça représente pour moi, tu sais, le ce qui est le plus cheesy puis le fun des années 80 avec la musique rock, la soundtrack qui est rock, les maquillages, les effets spéciaux qui sont bien faits, puis tout, selon, en tout cas, à mon goût, à moi, l'ambiance, tu sais, de c'était, je vais parler des deux, mais tu sais, je sais que tu as vu le premier, mais les deux films ont, les deux Demons ont le même genre d'ambiance où tu as l'impression que le monde extérieur n'existe plus, à un moment donné, c'est comme, c'était vraiment, t'es pris dans, c'est claustrophobique un peu, ces films-là, puis je sais pas, il y a une ambiance malsaine que j'aime, puis à une autre époque, ces films-là me terrifiaient, si je les écoutais dans la nuit, ça me faisait peur, parce que des fois, les démons regardent direct dans la caméra, puis ça me faisait peur au bout, tu sais, puis à cette heure, ça a moins d'effet, mais c'est ça, dans le deuxième film, t'as le démon qui sort de la TV, qui me terrifiait au bout, j'avais pas envie à chaque fois que ce bout-là arrive, là, je l'anticipais, puis j'avais peur, tu sais, mais non, c'est super cheesy, mais je trouve ça le fun, je trouve ça vraiment, c'est plein d'action, plein de, tu sais, je sais pas, puis c'est... Non, c'est du gros fun à l'italien. Le concept est vraiment hot à la base. Oh oui, c'est ça. C'est... Ben, moi, j'avais commencé... On avait eu Demon dans une des listes de nos 31 jours d'heure, je pense, première, deuxième année. Puis, j'avais même pas été capable de le finir. J'avais pas trippé. Ouais, j'avais pas trippé. Pas en fait. Ouais. T'aimes pas Clémentine, hein? T'aimes pas Clémentine, hein? Oh, puis tout comme Halloween cette année, je me suis dit c'est les 31 jours de la deuxième chance. Et après la rivière du sixième jour, les 31 jours de la deuxième chance. Alors c'est une référence cinématographique vraiment cheesy. Là. C'est quoi? C'est Brad Pitt dans la rivière du sixième jour? J'ai envie de dire c'était Brad Pitt. J'ai jamais vu le film, mais je pense que c'est Brad Pitt. Ouais, ok. Puis, je me suis dit, bon, ça y est, on va le réécouter. Là. Je sais un peu plus vers quoi ça s'en va. Là. Je me souviens, tu sais, Jeff, à l'époque de l'université, qui m'avait vendu ça, comme, tu sais, ça m'a friqué, j'ai vraiment eu peur. Je suis comme, ok, bon, tabarnak, je vais être efficace. Tu sais, pas, tu t'en dis, tu es comme, tabarnak, yeah, c'est ça. Et on s'entend, c'est pas wreck, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, puis à l'époque, j'avais pas encore écouté beaucoup de films italiens. Puis, c'était la première fois que je regardais un film italien traduit en anglais. Puis là, t'es comme tabarnak, je suis pas capable d'accrocher. Fait que là, je me suis dit, regarde, là, Sébastien, t'as une couple d'années de films d'horreur un peu plus en arrière de la cravate. Donc, écoute, Demons, j'ai vraiment eu du fun. Oui. Mais oui. C'est correct. C'est correct là. J'ai du fun, j'ai compris le buzz. Il y a vraiment des bouts que c'est mal monté, c'est mal tourné. Mais Colin, non, il y a vraiment une... hey, sérieux, puis ma blonde était assez à côté de moi, elle capotait aussi. Là. La première transformation, les dents qui tombent, ouais. Mais les ongles qui poussent, ça coche. C'est vraiment ça coche. Les personnages sont stupides, mais c'est correct, on aime ça. Puis, toute la déconnexion au monde est tripante, mais tu sais, avec la finale, tu fais comme, tabarnak, ok, on s'en va là-dedans. Puis, non, j'ai rien à redire, tu sais, c'est Demon, là, des démons dans un cinéma, à cause que le film, il y a quelqu'un qui a porté un masque, puis qui s'est coupé, puis comme dans le film, la personne est en train de se transformer en démon, puis tout le monde dans le cinéma est en train de se faire bouffer. Tu sais, le fameux, il y a des scènes tellement classique et drôle, là. Tu sais, quelqu'un qui... Il y a une foule qui court, là, puis il y en a un qui court en sens inverse, puis accroche tout le monde. « Avez-vous vu? Avez-vous vu Sarah? » Puis il accroche un autre. « Avez-vous vu Sarah? » Puis il accroche un autre. « Sarah! » Ils sont vraiment intenses dans leur jeu. Ça n'a pas de boss. Puis tu sais, puis c'est tout le temps... tu fais comme Chris, ça fait la cinquième personne qui se change en démon que vous voyez, mais là vous voyez encore quelqu'un qui est un peu bizarre, qui a les yeux de couleur, ils font comme ça va, t'es correct, puis là t'es comme ouais, mais ouais, tu sais bien qu'elle est en train de se transformer en démon, veux-tu bien juste te sauver? Des fois les démons sont super agressifs, mais des fois ils font juste genre donner un coup de griffe dans le vide. Puis tu te regardes, en plus c'est le genre de film que tu t'amuses à regarder les figurants en arrière-plan, là, t'sais. T'as une foule qui court, mais là tu vas en voir deux trois, que les autres ils marchent quand même assez chill. Ils ont l'air d'être d'un exercice de feu, t'sais, d'une école, parce que tu fais comme ouais, c'est correct, là, regarde, on sait que c'est pas vrai. Oh, mais ouais, non, c'est tout, que c'était vraiment trippant. Le noir, oui, qui a vraiment traumatisé ma jeunesse, la scène des toilettes. C'est surtout l'éclairage jaune de cette toilette-là, la façon que c'est filmé, ça faisait vraiment cauchemardesque. Puis la fille avec son espèce de gros bouton de pu qui arrête pas de grossir dans son cou, puis qui éclate dans vite, là, ça m'avait vraiment marqué quand j'étais jeune, ça. Oui. Mais le pimp noir, c'est tellement... En tout cas, tellement hilarant ce personnage-là. Puis t'as le même acteur qui joue un personnage dans le 2, qui est l'instructeur de fitness, là, qui est tout aussi exubérant. Ah, ouais. Ah, oui. Ah, mais le 2, c'est un remake. C'est littéralement le même film, mais dans un immeuble, puis en moins gore. Mais je trouve pareil fun. Ben oui, moi, tous les films qui se passent dans un immeuble à la Die Hard, moi, j'aime ça, là, tu sais, c'est ça. Moi, tout, je suis comme ça. Moi, tout, je suis d'accord avec toi, JF. J'aime ça, cette espèce de sentiment-là. Tu sais, Gremlins 2, Die Hard, Demons 2, c'est, j'adore ça, là, ces films-là. J'essaie de trouver un exemple bidon qu'il allait dire, mais non, pas ça, là. The Shining. La Tour Montparnasse infernale. J'avais trouvé ça drôle. Il faudrait que je le revoie. Ah oui, c'est pas drôle. Je viens me dire que c'est encore drôle. Ah ouais? Non, mais je sais, ils sont vraiment câbles. Ça m'a dit. Ça a vraiment, vraiment mal. J'ai pas de misère à te croire. J'ai aucun. Mais ça te croit. Oh, God. Mais non, ben, Baba, ouais, c'est ça. Moi, c'est son seul, je pense, que j'ai écouté. Je n'ai vu quelques autres, mais je me souviens plus des titres, là. Pour être honnête, Lamberto Bava, il est loin d'avoir le talent de son père. À part avoir fait Demon, là, c'est pas mal le film qui fait en sorte que les gens le connaissent encore, mais moi, j'aime bien son A Blade in the Dark, qui est un genre de giallo très, très copié Argento, même sur son père, mais j'avais beaucoup apprécié. Mais sinon, le reste de ses films... On va être dans la série Z pratiquement. Il a genre fait un Demon 3, ça s'appelle Demon 3, mais en fait c'est l'orgue. Ça n'a aucun rapport avec les deux premiers Demon. C'est vraiment juste un film dans une espèce de château avec une créature dans le sous-sol qui va se réveiller puis attaquer une petite famille. Mais c'est pas bon. Puis ça résume pas mal la carrière de Lamberto Bava. C'est une carrière pas très bonne, mais avec deux, trois films sympathiques et marquants. T'sais. Ouais. Dommage. sur Twitch, il y a 4K Vobic qui dit Dario Argento, ça fait un moment qu'on ne l'a pas cité. On le cite assez souvent. Justement, c'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas inclus cette année dans nos 31 jours, parce que justement, Argento, ce n'est pas de ceux qu'on est avare de. Je ne sais pas trop comment le dire, mais non, c'est ça. Non, c'est bon. C'est ça. Il était producteur sur Demons, hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Puis j'ai remarqué ça. Michel Soavi, qui est assistant réalisateur dans Demons. Ouais, ça a été et beaucoup notre jour 11 aussi. Hein. Ça a été quoi, Steven, tu dis? Michel a été beaucoup le poulain d'Argento. Ça a été vraiment son mentor pour débuter dans le cinéma. Fait que, il a traîné avec lui sur beaucoup de ses tournages. Qui était qui est notre jour 11 et qui est le réalisateur, entre autres, de on suggère Stage Fright et Cemetery Man, dans le fond, de la mort. Deux morts. Ah. Ouais, mais c'était ça pour notre première semaine. Mon Dieu, on a bien été vite. Ben, aujourd'hui, on peut quand même en parler parce que ça joue en arrière-plan sur ma caméra. On le voit pas très bien parce que ma TV est un peu de biais. Basket Case, parce que c'est Frank N.N. Lotter, réalisateur de, entre autres, de Basket Case 2 et Franken Hooker. Ouais. là, toi, tu me disais, c'est ça, d'entrée de jeu, tantôt, avant, hors d'onde, Steven, que Basket Case 2 était une suite à ne pas bouder. À ne pas bouder, très différent du premier. On avait fait un épisode, puis tu sais, le premier, c'est très greenhouse, très crasse, puis très amateur, mais le deuxième, c'est complètement différent, c'est plus peaufiné, tu vois que ça a plus de budget, mais ça n'a pas du tout la même vibe, ça a un côté très comic book quasiment, avec des éclairages colorés. Ça se passe dans grosse maison, puis il y a plein d'autres mutants, je pense aussi. Mais ce film-là, on dirait pratiquement un hommage délirant de Freaks, c'est ça que je dis à Seb tantôt. Tu vagues vraiment dans ces eaux-là, puis tu sais, tu suis les mêmes personnages du premier, puisque son frère a survécu après la finale du premier film. Puis t'as pas l'impression quasiment d'avoir le même personnage. Il y a une autre mentalité. Tout est vraiment différent. C'est vraiment plus cartoon. Puis le troisième, c'est ça x10. Le troisième, j'ai pas adhéré parce que c'était trop over the top. Mais le deuxième, j'ai vraiment eu beaucoup de fun. Puis j'ai découvert. Bizarrement, j'ai découvert ce réalisateur-là avec le premier Basket Case, puis j'ai trouvé ça bon sans plus, puis ça m'a pas donné envie forcément de voir ses autres films. Puis à un moment donné, avec les nouvelles sorties de Arrow qui ont sorti Frankenhooker, j'ai découvert grâce à eux, j'ai beaucoup aimé un genre de Frankenstein version Greenhouse délirant, là, où le gars veut essayer de ressusciter sa petite amie qui est morte à cause d'une tondeuse, je pense, quelque chose comme ça. Fait qu'il va chercher des bouts de morceaux de plusieurs personnes. Moi, mon préféré, c'est Brain Damage. Le gars va se réveiller avec une créature qui est installée dans sa tête, puis va entendre sa voix, puis la créature s'appelle Esper ou quelque chose de même. Asti, que c'est le fun aussi, ce film-là. Puis je trouvais que c'était un réalisateur que les gens sont peut-être moins familiers. Puis c'est ça que j'essaie de faire, moi, avec les 31 jours d'horreur, de conseiller des réalisateurs avec lesquels les gens sont moins familiers, justement. Puis peut-être découvrir des nouveaux réalisateurs grâce à ça. C'était dans l'épisode d'Horror Gamer numéro 44. C'était mon premier épisode de Shameless, je pense, qu'on avait parlé de. De Basket Case en même temps que Peeping Tom, qu'on était deux films complètement différents, mais qu'on avait bien apprécié Basket Case. Puis là, ben, c'est ça, j'ai le VHS de Basket Case 2. Donc en plus, écoute, c'est la version française. Là, tout va être là pour avoir du plaisir en écoutant. Je m'avais procuré le Blu-ray de Synapse durant le Fantasia. Puis il y a un nouveau transfert 2K, je pense. Puis. L'image, la photographie, c'est vraiment fou. I guess tu vas pareil avoir du plaisir avec la VHS, là, mais quand tu vois des films d'attente dans un nouveau transfert, ça fait toute une différence. T'sais, je sais pas sur Shudder si Halloween, c'est la version avec le nouveau transfert qui était sorti il y a un an en Blu-ray, mais tu réécoutes Halloween dans ce transfert-là, tu es comme « Oh my God! » Je savais que la photographie était belle, mais ça fait vraiment une méchante différence, là. Écoute, je ne pourrais pas te dire du tout. Je sais pas, j'ai même pas de TV 4K, moi. Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas obligé d'avoir une TV 4K, c'est pas nécessaire, ça. C'est sûr. Écoute, c'est ça. Ce soir, c'est Franken and Lotter, donc on verra bien ce que les gens vont en avoir pensé. Mais on s'enligne avec toute qu'une semaine. Là. Demain, c'est quand même Sam Raimi. Mais je suis ensuite... contente, Steven, que tu l'as mis dans la liste, parce qu'effectivement, moi, je l'ai vu, puis je fais « Bah, sais-tu, celle-là, peut-être pas, puis tiens de me le vendre. » Dans le sens où c'est vrai qu'on visite souvent les mêmes. C'est intéressant. Merci, Steven. Bravo, Steven. Slow clap pour Steven. Il n'y a pas tant que ça, s'il vous plaît. Oui. Jeff est comme « Non ». Non, moi non. Je sa face, genre « Non ». Cette semaine, on va regarder des films de Sam Raimi, de Joe Dante, Stephen Cognetti, donc Hell House LLC 1 et 2. On l'a nommé tantôt, Michel Soavi. Qu'est-ce qu'il y a là? Écoute, vu qu'il y a une journée pour ce réalisateur-là, le gars de Hell House LLC, je pense que je vais peut-être écouter le 2 juste pour en parler, mais Chris, ça me tente pas. Regardez, je vais vous entendre. Non. Je vais vous entendre. Oui, il est sur Shudder. Je vous le dis, mardi, je reçois en entrevue Stephen Cognetti. Alors, j'ai vraiment hâte. on a Rachel Talalay, qui a réalisé, entre autres, Nightmare A Nightmare on Elm Street 3, puis aussi Freddy's Dead. C'est lequel? C'est le 5, le 6? C'est le meilleur. Non. Non. Non. Je pense qu'elle a réalisé un des meilleurs et un des pires. Ouais. Et on a Wes Craven et Dario Argento. Donc, c'est la semaine des... C'est la semaine des gros noms. Fait qu'on va en parler de Dario, finalement. Ton gars sur Twitch, il... Ben oui, c'est vrai, il est là. On a pas boudé. On a, même en pensant qu'on a boudé Dario, on l'a même pas boudé. C'est ça. Fait que oui, donc on parlera de Dario... j'ai de la misère à le nommer, là. 4K Vobic. On parlera de Dario Argento. Hey, juste avant qu'on se laisse, gang, je sais que certains d'entre vous ont dérogé de leur liste, en tout cas de la liste des réalisateurs. Puis, ouais, je me disais, s'il y en avait un, oui, c'est Jeff. S'il vous plaît, moi, je voudrais parler. Oui. J'aimerais ça que tu nous parles de Prevenge. Jeff. Oui, moi aussi, j'aimerais ça en parler. Parce que c'est pas mal la meilleure chose que j'ai vue cette semaine. Ah, bon! Ah, il est sur Shudder, puis je l'ai essayé, puis... Je sais pas, je trouvais que ça fitait avec ce que je voulais faire. Je voulais regarder des films réalisés par des femmes, des films que j'avais pas vus. C'est réalisé par une femme, écrit par une femme, et joué par cette même femme. C'est toute c'est Alice Lowe qui a tout... C'est ça, réalisé, écrit... par une femme. Et quoi? C'est la partenaire de Ben Whitley qui joue dans Sightseer, puis c'est elle qui tient le rôle aussi dans le film que t'as vu, Seb, puis que t'aimes. Lequel? Sightseer, okay. C'est ça, Sightseer, de Ben Whitley. C'est incapable de dire ce nom, le film. Ouais, c'est pas évident. Sightseer. C'est elle qui a écrit et réalisé ce film-là, c'est son premier film qu'elle réalise. Elle a fait son background dans le théâtre, puis dans la télévision beaucoup. Puis... elle était enceinte quand elle a tourné ce film-là. Elle était pas mal déjà avancée dans sa grossesse. Puis c'est l'histoire d'une femme enceinte qui se lance dans ce qu'on appelle en anglais un killing spree, qui va devenir une serial killer, tuer plein de monde. Elle a ses raisons, je dirais pas grand-chose, mais on découvre au fur et à mesure qu'est-ce qui lui est arrivé, puis on en apprend un petit peu au fur et à mesure du film. Puis elle entend la voix de son enfant qui s'en vient, son enfant qui est dans son ventre, qui lui donne des instructions. T'sais. Puis c'est une comédie. Je trouve que l'actrice est vraiment très comique. Elle a cette petite touche. Je sais pas si c'est... J'ai pas checké si c'était australien ou quelque chose comme ça, ou c'est peut-être british. British. Mais... T'es british, ok. Ben, elle a vraiment cette touche british d'abord, qui est vraiment le fun. Elle a un humour qui est le fun. J'étais pas sûr au début du film, j'étais comme c'est slow un peu, je sais pas, mais à un moment donné j'ai comme, ça a pas été long que j'ai vraiment embarqué là. J'ai vraiment eu du fun. Tu sais, les scènes de meurtre, c'est tel que tel là. C'est pas du gros gore, c'est pas quelque chose de vraiment qui va réjouir les fans de gore ou les fans d'horreur nécessairement. Il y a rien de terrifiant dans ce film là c'est juste, c'est ça, c'est amusant, c'est drôle. T'as quelqu'un qui... T'sais, elle va se prendre contre quelqu'un un couteau, puis la personne va sortir les gants de boxe. En tout cas, c'est juste... Je le décrirais mal, mais c'est... J'ai eu vraiment beaucoup de fun avec ce film-là, puis je le recommande fortement. Là. Je trouve que c'est ça. C'est une bonne petite comédie d'horreur qui en vaut à peine, là, qui vaut à peine d'être vue. Je l'avais commencé, puis j'avais pas terminé encore une fois par ben des affaires, mais j'avais vraiment été intrigué par ce film. Fait que oui, c'est sûr et certain que je vais y jeter un œil très bientôt, parce que tu t'en as parlé quand tu m'as dit que tu l'avais écouté. J'ai fait, c'est vrai, il y a ce film-là qu'il faut que je revoie, ou en tout cas que je termine. Puis tu sais, là, je veux voir d'autres choses qu'a fait l'actrice, parce que je l'ai trouvé vraiment sympathique dans ce film-là, vraiment attachante et. C'est ça. Écoute, Sightseer, tu vas ouais, triper. C'est le même genre d'humour, puis tu vas vraiment t'amuser. OK. Cool. Puis, Steven, tu voulais nous parler de Trench 11 puis de Memory of the Dead? Ouais, je vais peut-être skipper le deuxième. Je sais pas voir si ça vaut vraiment la peine, mais Trench 11, c'est un film que j'attendais un petit peu parler par-ci par-là, parce que c'est un film d'horreur qui se passe durant la Première Guerre mondiale. Puis j'aime bien, j'aime ça, des films d'horreur durant les guerres, c'est quand même assez rare comme genre. Et là, on a Overlord qui s'en vient prochainement, de J.J. Abrams, qui était au début considéré comme le troisième Cloverfield secret. Finalement, ça n'a aucun rapport au bout du compte. Et je me suis dit, crème, je vais me mettre dans le mood, puis je vais écouter celui-là. Je le voyais passer, puis j'ai vu une couple de bonnes critiques. Et c'est ça se passe durant la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a un groupe de soldats qui vont être envoyés pour aller découvrir un genre de bunker très souterrain allemand qui est sorti de nulle part et on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans. Puis les généraux pensent que c'est peut-être là qu'il y a des expériences pour des nouvelles armes puis des trucs comme ça. Fait que le groupe de soldats s'est envoyé là-bas. Et évidemment, ils vont découvrir des choses terrifiantes et des Allemands scientifiques qui créent des... Je vais laisser la surprise, une des rares surprises du film. Globalement, je trouve que c'est un film ordinaire. Je trouve que le réalisateur arrive à créer un certain mystère qui me plaît. T'sais, juste le fait d'envoyer un groupe de soldats dans un bunker, puis là, ils commencent à descendre, puis tout ce qu'ils découvrent, c'est des traînées de sang, puis là, c'est très lugubre, très claustrophobique. Je trouve que niveau réalisation, il y a un bon travail là-dessus. Par moments, je me sentais un peu étouffé. Puis j'étais comme, OK, j'embarque, j'aime l'ambiance, tout ça. Mais ça prend pas de temps après que le film dévoile un peu ses cartes. Mais t'as l'impression qu'il sait pas trop dans quelle direction qu'il veut aller. Par moments, c'est horrifique. Par moments, c'est plus trailer. Par moments, c'est plus drama. À un moment donné, j'ai juste l'impression que le réalisateur ne savait plus quoi faire, puis je ne m'intéressais plus à ce que je voyais. Je trouvais que c'était, il n'y avait pas tant de choses à dire. Je trouvais ça plate niveau rythme. Par contre, oui, il y a deux, trois effets spéciaux, effets pratiques qui sont vraiment réussis par rapport à un espèce de parasite. Puis ça me rappelait beaucoup les effets pratiques de l'invasion des profanateurs, la version des années 70. Puis j'étais comme, waouh, il y a vraiment... Exact, Jean-François qui fait l'imitation de Donald Sutherland. Mais c'est ça, en dehors de deux, trois effets spéciaux réussis puis d'un côté claustrophobique réussi dans la première partie, je trouvais que le film finalement m'emmerdait. J'avais l'impression de voir un genre de pré-overload, pas de budget, puis je me dis que celui-là risque d'être plus fun, fait que... ordinaire. J'ai vraiment eu une semaine ordinaire en termes de découverte, en fait. Là. Puis c'est pour ça que j'hésite à parler de Memory of the Dead. T'sais, c'est un film... argentin, puis là, il y a Terrifier qui sort la semaine prochaine, qui est le film que j'ai vu qui me l'a fait le plus d'effet. Là. J'ai eu de la misère pratiquement à dormir après, puis là, je sais pas si je l'hype encore. Là. Ça me fait peur d'hyper, parce que je me dis, là, le monde va voir, puis hein, tout ça pour ça. Mais je me suis dit, là, j'ai envie de voir un autre film argentin horrifique, puis celui-là, c'était juste du Sous Evil Dead avec du CGI de bas étage, de très, très raté. Ça sort sur Shudder, hein? Terrifier, ouais, ça sort sur Shudder le 12 ou le 11. Et écoute, je continue à le conseiller. Allez, si vous n'êtes pas abonné à Shudder, abonnez-vous un mois pour voir ça, mais pour voir Satan's Slave et d'autres films aussi. Prenez vos 7 jours gratis là. C'est 5 jours. 5 jours, c'est pas 7? C'est 5. Ah, peut-être 7, mais 7. C'est pas bien plus que ça. Là. En 7 jours, faites-vous un beau rush. Il y a plein de bons films sur Shudder, c'est fou. Là. Ah oui, vraiment. Là. Mais écoute, là, comme je le disais dans sur notre site web, si vous utilisez Netflix, Shudder, Tubi TV, qui est gratuit, et Frisson TV, que ben, si vous avez le câble, c'est assez facile de l'ajouter dans votre sélection de chaînes. Si on considère que Frisson TV ne vous revient pas plus cher parce que vous avez juste à skipper une chaîne pour un mois, Tubi TV, ça ne coûte rien. Shudder coûte environ 5$ pour le mois, puis Netflix, une dizaine de dollars. Pour 15$ ce mois-ci, vous avez une sélection de films qui va être débile. Shout Factory TV aussi, il y a des films d'horreur. Shout Factory TV, ouais. C'est vrai. Ouais. Il y a, si vous essayez l'essai gratuit d'un mois de Prime Video, il y a des films d'horreur là-dessus aussi. Ouais, c'est là-dessus que j'avais écouté The Crescent. J'avais parlé la semaine passée avec la mère et son fils. Là. Dans ton épisode de Séance de minuit des nonnes, t'as un film de nonnes qui est là-dessus, là, de Hell ou pas trop quoi. Là, Other Hell, ouais. Ouais, The Other Hell est là-dessus. Puis justement, tu sais, si je le redis, je me répète sûrement, mais si vous avez été déçu par The Nun qui était au cinéma en ce moment, ben vous allez l'avoir, votre Conjuring avec Satan's Slave. Allez écouter ça va vous donner la ride que vous vouliez. Est-ce que j'ai peur? Non, j'ai commencé hier, j'ai écouté 15-20 minutes, mais je m'endormais trop, fait que j'ai arrêté, mais je vais le continuer. Je vais recommencer. Okay. Ces 15 minutes-là m'ont poussé à la chienne. Non, wow. Pas moi, en tout cas. On va voir. Ben, tu t'es-tu rendu à... trop fatigué, Jeff? Ouais, tu t'es-tu rendu à la cloche? Parce que moi, je trouve la cloche, ça... Ben oui, la cloche, elle est là dès le départ, je trouve. Mais ouais, OK. Ouais. Oui, il dormait sur la cloche. Eh ben. Et sa tête suivait le son de la cloche. J'ai juste vu une bonne tête. Je sais pas, j'ai même pas vu. Des faces niaiseuses dans un litre. C'était pas si okay. effrayant que ça, là. Des faces niaiseuses. Finalement, il a écouté la cloche, il dit. C'est Jim Carrey, t'en as fait. Il y a deux avec la scène du début. Oh, God. S'il vous plaît. Il n'existe pas, ce film-là. J'ai adoré ce film-là. J'ai adoré Terrify aussi avec le clown. Steven, je suis pas d'accord. C'est hot comme film. Oui, c'est hot, 30 minutes. Ah. Hey, je voulais vous parler, moi, de ce que j'ai dérogé cette semaine parce que je pense que c'est à la moitié. Moi, j'ai un fou rire. Je vais me fermer le micro. Okay. J'ai tout seul dans ton coin. Ferme ton micro, là, puis laisse-nous faire comme des professionnels. Assieds-moi du monde qui rit pendant un podcast. S'amuser, voir si on est là pour ça. Hey, moi, j'ai écouté, c'est Universal qui nous ont donné une copie pour afin de review. J'ai écouté Tales from the Hood 2. Ah, c'est vrai. Je ne connaissais pas le premier Tales from the Hood, sorti des années 90, milieu 90, je crois, 94, 95? Ouais, à peu près. Ouais, qui était produit par Spike Lee. Est-ce qu'il réalisait des segments? Non, c'est vraiment les deux mêmes gars qui écrivent et qui réalisent tous leurs segments. Puis c'était 95, le premier. 95. Donc, c'est ça... j'y allais là complètement à l'aveugle. Tout ce que je savais, c'est que Marc-Antoine, ton collègue sur Séance de minuit, m'avait dit le quatrième segment est à se garrocher par terre. Fait que là, j'avais vraiment hâte parce que moi, je m'amusais quand même des premiers segments. C'est une anthologie, pour commencer. C'est une anthologie dont le segment qui les relie tous est un peu tiré par les cheveux. Une compagnie, un gars qui possède des prisons est en train de développer un robot qui va apprendre à détecter les criminels et les arrêter. Mais ce robot peut être aussi un genre de Judge Dredd. Il peut les arrêter, les condamner et peut-être même les exécuter si c'est vraiment des menaces. Surtout des personnes de couleur, globalement. Ouais, c'est ça, parce que oui, le gars, je pense que la première phrase qu'il va dire va nous donner le feeling que, OK, c'est un raciste. C'est Trump. c'est Trump tout craché. C'est ça, donc il invite un conteur à raconter des légendes à ce robot-là pour que ce robot-là analyse les morales de ces légendes-là et de ces histoires-là. Et il les utilise pour détecter les criminels. Mais bon, le conteur est un noir et le conteur est intelligent et se rend bien compte de quel genre de personnage qu'il y a en avant de lui et décide de raconter des histoires qui vont parler de racisme, de misogynie et de Trump, l'Amérique, comment l'Amérique va. Les trois premiers segments sont des segments d'anthologie, je vais dire classiques, dans le sens que c'est fait pour s'amuser, il y a du gore, on se casse pas trop la tête, les scénarios sont très de base. La première anthologie m'enseigne deux adolescentes qui s'en vont dans le musée de la négrosité, et où il y a un paquet de choses racistes. OK, excusez, j'ai vu quelque chose sur Twitch, j'ai pas été capable de comprendre. Je continue. je pensais que ça allait alimenter ce que je disais. Donc, c'est ça. Puis, bon, le segment traite des fameuses poupées Gollywog, ceux qui connaissent ça, ces petites poupées de noir qui sont vraiment... c'est raciste à l'os. Puis la petite fille blanche trippe sur ces poupées-là. Bon, ben, elle va regretter d'avoir trippé là-dessus. Dans le second, on voit un peu du crime black on black, comme on appelle, des criminels qui cherchent à avoir de l'argent, qui vont faire une séance de spiritisme qui va mal tourner. Et le troisième, c'est deux gars qui décident de droguer des filles qui se font passer pour des producteurs et ça va mal tourner aussi. Donc, reste que c'est toujours des histoires de quelqu'un est raciste, misogyne et il va payer pour. Puis c'est vraiment correct parce que finalement, c'est des protagonistes dont on se calisse. On n'est jamais attaché aux protagonistes. On a juste hâte de les voir payer. Puis chaque histoire est un peu alimentée par le comportement que le propriétaire de prison a. Mais c'est la quatrième histoire qui vient vraiment fesser dedans. Le film dure 2 heures, puis je pense que la quatrième histoire doit durer 40 minutes à peu près. Elle est vraiment longue. Toi, Steven, tu l'as vu à Fantasia cet été. Ouais, c'est ça, là. Le film, j'ai Tales from the Hood 2. Ouais. Puis, ça parle. Là, il est tard, j'ai pas les noms en tête. Ça mélange histoire vraie et fiction. Ça met en scène deux temporalités où, dans le présent, on voit un jeune noir qui est en train de travailler pour un parti politique qui est très, très raciste et qui veut. Très blanc. qui est très blanc, qui est très Trump, qui est très sudiste. Et qui travaille à faire fermer des places pour voter qui sont dans des quartiers noirs. Puis lui, ce noir-là, n'a pas de problème à travailler là-dessus. Mais en parallèle, lui, sa femme est enceinte, puis elle va pas bien. Elle est en train de dire... Il y a un petit gars qui veut pas qu'on ait notre bébé. Puis là, t'es comme, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Et on va suivre... dans le passé, l'histoire vraie d'un petit gars noir, je ne me souviens pas le nom, mais c'est un petit gars, c'est une histoire vraie d'un petit gars qui avait insulté un riche blanc et pendant la nuit, s'est fait enlever carrément à sa famille, amener chez le riche blanc. Ils lui ont demandé de s'excuser puis de retirer ce qu'il avait dit envers ce riche blanc-là et il a refusé. Il a décidé de tenir son bout puis plus d'être un esclave. Et il a été battu à mort pour ça. Et c'est vraiment une histoire horrible. Là. Une chance que dans le film, c'est allégé. Là, parce que quand tu vois les vraies photos, toi, Steven, tu as lu sur la vraie histoire, puis je sais que c'est horrible. Ce qu'ils ont fait, là, c'est catastrophique. Là. Sauf que sa mère, dans la vraie vie, sa mère a utilisé les images de son fils battu. Et elle les a diffusées dans tous les journaux du pays pour faire changer la situation envers les Noirs. Et ça l'a aidé à faire en sorte que la situation des Noirs a changé. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que ce petit gars-là, est au moment où il va décider s'il va s'excuser envers le blanc ou non, il voit le futur et il voit ce noir-là aujourd'hui qui est en train de militer pour un blanc raciste et qui est en train de gâcher tous ces sacrifices-là qui ont été faits. Et la phrase clé de ce segment-là, c'est « Respect the sacrifice ». Asti d'épisode coup de poing. Sérieux, c'est la chose qui m'a le plus marqué que j'ai vu cette semaine. C'est débile. C'est débile, débile, débile, débile, débile, débile, débile. Ça fessait vraiment dans le dash. Il y a des phrases là-dedans qui te percent comme un couteau. Nous, on est des Blancs, on est au Québec, tout ça, là. Ça, peut-être qu'on se sent un petit peu moins concerné. Mais sérieusement, ça nous fait énormément réfléchir sur où c'est que ça s'en va notre société, puis tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été fait dans pour qu'on en arrive là et tout ce qu'on est en train de ne pas faire pour respecter ce qui a été fait comme effort pour que notre société soit là aujourd'hui. Et là, tu sais, là, t'en es dans l'horreur, mais dans l'horreur historique, dans l'horreur de notre société et dans l'horreur de bien des affaires. Puis c'est vraiment ça qui finit à la fin par te marquer au fer blanc. Putain que c'était puissant, ce segment-là. C'est plate parce que c'est comme enfermé d'une anthologie qu'on prendra peut-être pas au sérieux puis qui va passer free. J'ai l'impression que ça fesse encore plus grâce à ça. Dans le sens que ça te lâche tellement avec le wrap-around, les 3 autres segments, que quand t'arrives à celui-là, dès les premières 5 minutes au Fantasia, j'étais comme un peu sur le cul parce que j'étais comme, OK, on n'est plus pantoute dans le style Roger Corman, là, où ça va dans l'over the top, la critique sociale, mais avec parfois du CGI douteux, puis ces choses-là. Mais là, lui, c'est vraiment, ça mise sur un certain réalisme, puis c'est quasiment plus dans l'esprit du premier Tales. C'est juste que ça. C'est moins peaufiné, puis ça manque plus de budget que le premier film. Là. C'est pour ça que je recommande surtout aux gens de voir le premier avant, mm-hmm. puis ensuite de voir la suite. Là. Je pense qu'elle vaut pareil le détour. Là. Mais ouais. Le premier est sous-évalué en Chris, là, en termes d'anthologie. Là. C'est vraiment solide. Mais ouais, non, c'est ça. Essayez de trouver un moyen de voir ça. C'est fort. La finale du segment m'a laissé un petit peu avec un petit sourcillement, mais c'est correct. C'est correct. Puis la finale de l'anthologie, c'est juste comme oh, OK, ouais, on savait que ça s'en allait là, puis c'est juste. Ah oui. Mais donc, c'est ce que j'ai dérogé de cette semaine. Mais je tenais vraiment à en parler parce que j'en ai parlé pendant 2 jours par la suite. ça m'a vraiment fessé. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que vous vouliez parler. Vicky, non, tu parles pas de Satan Slave? Ah, oh, j'en ai écouté plein. Steven, Satan Slave, mon film Bollywood, puis Creep et Creep 2, mais je suis tellement fatiguée, mon homme. Je serais pas capable d'aligner 2 mots. T'avais quoi, jamais vu Creep puis Creep 2? J'avais vu Creep, puis je l'avais pas aimé. Okay. Mais il y avait un gros buzz, puis Creep 2 est sorti, puis il y a eu un autre gros buzz. Fait, j'ai dit, redonne-y une chance. Puis en gros, j'ai aimé les deux. C'est correct? Ouais, c'est correct. OK. Je suis vraiment pas capable de développer de pourquoi j'avais pas aimé le 1 et le 2. Puis pour vrai, j'avais tout noté, puis je voulais vous en parler, mais hostie, je suis brûlée tête, là. Fait que je suis pas capable, je suis désolée. C'est correct. Écoute, on comprend, t'as des grosses semaines. Sérieux, j'ai oublié de demander pour une chanson sur le live pour terminer ça. Je vais nous trouver une petite toune que... Guillaume a suggéré cette semaine. Qu'est-ce que vous attendez le plus cette semaine? As-tu le goût de voir quelque chose? Mais vous voulez découvrir quelque chose? Moi, cette semaine, vous avez laissé de côté? Ma plus grosse attente, c'est vendredi sur Netflix. Deux de mes plus grosses attentes, c'est la série de Mike Flanagan. Ça, puis le nouveau film de Garrett Evans, Apostle, qui est un de mes gros hypes de cette année. Fait que ça va être une grosse journée vendredi. Sérieux, là, c'est la journée pour déroger des 31 jours. Toi, Jeff? Moi, j'ai juste à te dire que la vie trouve toujours un chemin. What? Ah, OK. Parce que tu regardais pas le live, là. Non, écoute, c'est que ce que vous voyez pas, regarde, petite parenthèse, sur Twitch, il y a un anglophone qui est juste en train de nous dire « Man, vous êtes tous gelés, vous êtes tous à la drogue, la fille, es-tu droguée? Parlez en anglais, s'il vous plaît. » Puis là, comme « Voyons donc, c'est comme un bordel sur Twitch présentement, c'est très drôle. » Fait que il y a un live qui se passe. Ouais. Non, parce que pendant que tu parlais, Jeff Goldblum avait pris ma place tantôt là, sur le live. Jeff Goldblum, oh, oui. OK, c'est débile. Live finds a way, wow. Mais Vicky, à part dormir, qu'est-ce que t'attends cette semaine? OK, j'ai coupé Jeff. C'est quoi la question pour vrai? C'est quoi la question? Qu'est-ce que t'attends cette semaine en termes d'horreur? En termes d'horreur, ben je vais finir. C'est vrai, je l'ai parlé hors d'onde, hein, ben hors, en tout cas. J'ai commencé un film d'horreur de type Bollywood, puis ça m'intrigue vraiment gros. Fait que je veux le finir, puis j'aimerais s'en parler. Fait que ça va être ça, mais je me souviens plus du titre, mais il est sur Netflix. Écoute, ça serait un mystère. Écoute, mon Dieu, tu nous intrigues là. C'est plein de mystères. Il y a Terrified qui arrive cette semaine, je pense, sur Shudder. Oui, oui. Ah oui, comment j'ai pu oublier ça? Mais oui, regardons. Écoute, parce que vu que je l'ai déjà vu, je m'enlève un poids à ses épaules. Là. Je pense pas avoir le temps de le revoir. Là. Je sais pas si j'ai envie de le revoir. Moi, ma vraie expérience est tellement forte que j'ai peur qu'elle soit moins forte la deuxième fois, mais je suis quand même confiant. Ah, des fois, de regarder des trucs, puis tu fais comme, ah, finalement, ouais. Ah non, j'ai gâché cette... J'ai gâché cette scène-là en la revoyant puis en se rendant compte que les ficelles sont pas si bien masquées finalement. Ouais. En même temps, les images me restent tellement en tête que j'ai l'impression que je vois mal comment je pourrais trouver ça moins. Mais alors, l'effet de surprise, c'est ça qui arrive. Hein. Souvent, quand tu réécoutes un film que tu connais déjà tout ce qui va arriver, ça peut être moins efficace. Il y en a qui perdent leur efficacité la deuxième fois. Là. Je pense qu'il y a des films qui sont faits pour être vus une fois, justement. T'sais. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, puis il faut savoir les reconnaître. Tu les suggères à des gens, puis tu les. Tu ne les réécoutes pas avec eux. Tiens, voici mon Blu-ray. Il n'y en a pas un parmi vous là, qu'on a tous nos films qu'on n'ose pas revoir parce qu'on a peur de gâcher notre souvenir. Même si c'est un film d'enfance qui nous a marqué parce qu'on se dit c'est clair qu'aujourd'hui, ça marchera pas. Là. The Usual Suspect. Hein? The Usual Suspect. Ah, mais c'est ouais. Juste par la présence de Kevin Spacey, c'est comme dans ce carré. Ouais, mais pour vrai. Des gens suspects, c'est le genre de film que tu vois une fois, tu fais « Oh my God, le punch! » Tu le réécoutes, tu fais « Ah ouais, c'est vrai, ok, c'est cool. » Moi, je l'ai vu comme vraiment trop en retard, ce film-là. Fait que j'ai fait « Même punch que Scary Movie. » Oh, mais là, c'est vraiment trop en retard, ce film-là. Ça compte même plus. Oh, non, mais le pire, c'est que quand j'écoutais Scary Movie, je pouvais pas saisir la référence. Fait que, tu sais, moi, pour moi, c'était une scène bien typique, mais j'avais jamais vu le film. Fait que. Ah ouais, mais là, tu te l'es fait spoiler par une parodie. Ça dit-tu à quel point tu es en retard? Ah ouais, pas mal. Ah, mais malgré qu'à cette époque-là. Maintenant, le premier Scary Movie, c'est correct, là, mais les autres, par la suite, là, c'était genre. Hey, il y a un trailer de film qui est sorti la semaine passée. Vite, faut faire une parodie. Ouais. Même pas le temps de parodier le film, il parodie le trailer. Là, quand t'arrivais quand t'écoutais le film de la parodie, tu faisais comme. Ils ont parodié quel film finalement, tu sais? Ouais, c'est ça. Là, ouais, ce film-là, puis donc, personne n'a écouté. Il y avait un film, je pense, c'était pour le 4e Scary Movie ou le 5e, il avait parodié le remake d'Evil Dead, mais il était même pas sorti encore le film. Fait que, tu sais, dans mon annonce, tu pouvais voir qu'il parodiait ça, mais t'étais comme, ok, c'est un peu absurde. Oh, God, ben, tu sais, c'est le. Je pense qu'un des pires flops de cette gang-là, pour demander à Julien Bernatché, mais je pense que le pire flop, ça a été Epic Movie. Tu sais, il y a eu les Scary Movie, puis après ça, il y a. Oh, t'as eu d'autres. Des Astro Movie. Tellement, là. Super-Hero Movie. Il y en a un qui avait un titre qui finissait plus, là. Il était long, là, comme. Oui, c'est vrai. Je me souviens plus, là, le truc d'Hunger Games qui finissent plus, en tout cas. Ouais. Non. Mais non, je sais pas, quel film que je veux pas revoir. Je sais pas non plus. Je sais plus. Pas. Il y en a sûrement. Peut-être que je suis pas assez prudent. La tour Montparnasse, Sébastien. Non, mais écoute. Oui, peut-être là maintenant, je voudrais pas le revoir. J'ai le VHS ici, fait que je pourrais. Il y a Mathusalem. J'ai fait écouter Mathusalem à des gens qui l'avaient jamais vu. Puis j'étais comme, non, mais c'est fucking cool. Arrêtez, c'est vraiment bon, Mathusalem. Mais non, pas tant. Ça a l'air qu'on voit plus rien sur le stream, Jeff. Non, c'est correct. C'est bon. C'est correct, c'est revenu. Je sais, ça a duré 30 secondes. C'est un peu l'effet Mac and Me. T'sais, j'ai racheté le DVD de ça, j'ai revu ça, puis j'ai fait « My God! » Comment je pouvais mettre ça sur le même piédestal qu'E.T. quand j'étais jeune? T'achèteras pas le nouveau Blu-ray? Non. Non, ils ont pas fait ça. Oui. Ben oui, Charles Factory. S'il un beau vous plaît. Petit Blu-ray de Mac and Me. Voyons, Seb, laisse-toi aller. Ah, hey, merde. Il y a Jesse Anctil qui nous dit que mais cette semaine, lui, il écoutait un paquet de films. Lui, c'est 31 jours d'horreur, c'est tous des films qu'il n'a jamais vus. C'est pas un fan de films d'horreur. Puis écoutez ses coups de cœur de la semaine. Regardez comment lui, il a eu une semaine de fou parce que vraiment, là, il connaissait pas ses classiques et on l'envie de pouvoir écouter ces films-là pour la première fois. Et j'ai nommé Rosemary's Baby, House of Wax et Pet Sematary. Tu sais, là, quand tu écoutes ça pour la première fois, les trois dans la même semaine, tu fais comme tabarnouche. Mais là, je pense que son House of Wax, c'est pas celui avec Paris Hilton, par exemple. Ouais, mais j'ai jamais vu House of Wax, l'original, là. Pas celui avec Vincent Price, l'autre d'avant. Je savais que House of Wax de Paris Hilton, c'est un remake, mais je sais même pas si c'est un remake de quoi. C'est un remake de House of Wax avec Vincent Price qui, lui, est un remake. Tu sais, un peu à la The Fly, puis... OK. Ouais, l'autre, le film de zombies, là. Ouais. Mais c'est ça que JC disait sur la passion du film. Il est pas très... c'est pas un gars d'horreur en tant que tel. Fait que, tu sais, c'est un peu une... une bonne occasion pour lui de découvrir des films qu'il n'a jamais vus. Fait que justement, tu sais, Rosemary Baby, House of Wax, Pet Sematary. Puis je suis pas mal certain que les autres films qu'il va écouter au courant des prochaines semaines, ça va être des méchants gros titres encore là. Il y a certains films que je pense que j'aurais peur de revoir. Puis c'est peut-être juste parce que ça reste que c'est des vieux films que quand tu revois une deuxième fois, tu vois peut-être un peu plus les failles de l'époque. Et je dirais genre The Bad Seed ou The Innocents ou quelque chose comme ça. Non, c'est ça. Non, pas lui. Non, mais The Innocents, je pense pas, sérieux. Quand on en parlait... Ça, mais oui, mais parce que moi, c'était la première fois que je le voyais. The Bad Seed, c'est la même chose aussi. Puis j'ai comme peur de le voir en me disant... Kill a Child que je me souviens fuck out. Hein? Ou Can't Kill a Child, on a écouté ça en podcast? Ah, ouais, puis j'étais tout seul à le défendre. Je me souviens fuck all de ce film-là. Pour vrai, je m'en souviens fuck all. Ok, Jesse Antil dit qu'il a écouté la version de 1953. Ok, good, t'as écouté une bonne version pour House of Wax. Ben, honnêtement, même la version de Paris Hilton, je la déteste pas. C'est pas du même calibre, mais c'est un slasher divertissant. C'est le fun. Ah, ça fait trop bon, ce mélange de deux, trois films. Trop. Je me rappelle à l'époque, tout le monde allait le voir juste en espérant que Paris Hilton se fasse tuer. Mais tu sais, je trouvais que c'était un peu poche comme raison de juste payer 10$ pour aller voir un film au cinéma. Ouais, mais en même temps, je pense que j'avais vu une entrevue, je vais dire Musique Plus, mais ça me surprendrait qu'elle soit passée à Musique Plus Montréal, mais peut-être, parce qu'elle était avec Charles Michael Murray. Puis je me souviens très bien qu'il défendait le film de façon à dire... À ta peu, là, ce film-là, on a juste voulu faire un film le fun où tout le monde se fait tuer puis c'est drôle. Puis même Paris Hilton disait, vous allez me voir crever puis vous allez avoir du fun. Fait moi, je l'ai à peine écouté. Je pense que j'ai vu comme souvent passer à AMC. Là, il passe très, très, très souvent à AMC, ce film-là. Ouais. Puis j'ai vu plein de scènes puis j'étais comme, tu sais, ceux qui ont vendu le film l'ont vendu pour ce que c'était. On veut pas refaire du cinéma, on veut pas créer un grand film, on veut juste avoir du fun, avoir du monde se faire tuer à l'écran. Puis c'est vraiment le même qu'ils vendaient. Et je vais être, oh, ok, au moins ils sont honnêtes avec leurs produits. Ça me satisfait. C'est pas mal ça que le film offrait. Mais ouais. Tu sais, Pet Sematary, ça fait partie de ces films-là que dans ma jeunesse, j'en gardais un film qui m'a terrifié et tout. Puis tu sais, je le revois aujourd'hui, puis même les scènes de Zelda me font plus le même effet, puis ça me fait chier en dedans de moi. Ouais. Quand je... Ben oui. Avez-vous vu les images du prochain, là? Non. Ouais. Ben j'ai vu le chat, j'ai vu la famille, mais il me semble qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur le plateau, puis durant la production déjà. Tu sais, je me rappelle plus, je suis plus certain, je vais pas m'avancer. Moi, tu me dis John Lithgow dans un film, puis je cours au cinéma. Là, ben il y a ça, hein. Mais tu ouais, mais t'as-tu vu John Lithgow aujourd'hui? Ben, il est rendu plus vieux, je sais pas, non? Je sais pas, on dirait John Lithgow qui a mangé John Lithgow. Ben là, c'est... En tout cas. C'est comme Chevy Chase. Regardez aujourd'hui dans le dernier film Vacation, t'es comme Chevy Chase pour de vrai, my God! moi, je veux John Lithgow d'un remake de La Reine des Neiges qui chante John Lithgow, John Lithgow! En tout cas. Juste pour vous dire sur Twitch ce qui est en train de se passer avec l'anglophone qui comprend rien à ce qui se passe, il écrit This is great content. Okay? Il dit le gars avec le t-shirt de dinosaure, il aime la fille avec la tuque orange. Ah. C'est comme s'il avait besoin de spécifier la fille avec la tuque orange. C'est ça. À moi qui n'est pas sûr pour le genre de moi ou de GF. il dit, ben il parle de toi, GF, parce que lui, il dit le gars à gauche, il est amer puis il est en train de planifier sa revanche. Il dit, il parle de moi, le gars dans la petite boîte, parce que moi je suis tout petit dans le milieu, il dit, il est juste content d'être là. Fait que finalement, tout est bien, qui finit bien, c'est débile. Mais toi, il fait juste m'aimer parce que je suis là que j'ai une tuque, c'est quoi? Ouais. Non, toi, t'es la fille. Regarde, c'est ça, là. Ça, c'est classique, là. Toi. Ah, dans oui. Toute cette histoire, t'es juste la fille qui sert à être le love interest. C'est ça, exactement. Je suis Hey, je pense que Jeff a pas pris de coke. Fait qu'on devrait peut-être finir l'épisode parce qu'il va être tout mélangé. On peut pas laisser tout ce qui s'est passé là. Là, ça fait comme 10 minutes qu'on dit de la shit. Non. On continue. C'est le même que ça se passe. Mais non, ça fait avec le test de personnalité que j'ai fait aujourd'hui. Oui, je suis un jigsaw, je suis calculateur. Oui, c'est ça. Ben moi aussi, c'est ça que ça disait. Je suis jigsaw. Fait que, regarde, je suis sûr qu'on n'a même pas répondu les mêmes affaires à rien partout. Moi, j'ai fait un test de personnalité 100% accurate. On disait que j'étais subtil. Ah. Subtil? Qui là, t'es subtil? Moi, je crois ce test. Wow, ça, c'est parfait. Ah. Fait qu'on arrête l'épisode-là? Fini? Non, mais moi, il faut quand même que je termine cet épisode-là de la bonne façon. Ah oui, c'est vrai. Hey, s'il vous plaît, là, regarde, on a un vrai épisode, là, on a un vrai contenu. Fini l'épisode-là, là. Fini ce là, on va dire en anglais, this is great content. Non, Véro a dit de garder ces bouts-là. Oh my God. Oui, on garde tout, là. Come on, coupe pas rien là-dedans. Chill. En plus, on a tout de l'air gelé, c'est ça qui se passe, c'est ça qui... puis il dit « speak white ». Il parle en anglais. On va se laisser en chanson avec une autre suggestion de Guillaume Couture. Puis c'est drôle, on vient juste d'en parler là. Et c'est la chanson « Pet Sematary » des Ramones. Sur ce, Jeff, je te dis bye-bye. Bye-bye. Steven, bye-bye. Octet. Qu'est-ce que t'as dit? Octet, ok. Vicky, bye-bye. Elle fait un petit signe de dodo. Et moi, je dis à tout le monde bye-bye. Je fais un shout-out aussi, j'ai oublié, à nos Patreons. Patrick Perron de VI2XP, merci pour le don. Et Véronique des Douces Folies de Nikki qui vient de rentrer sur le chat puis qui, en plus, elle vient de terminer un podcast, elle écoutait ça. Merci pour vos dons. Merci, vous avez droit à votre shout-out et on vous aime. Et sur ce, n'oubliez pas, tout le monde, ben, bonne semaine des 31 jours d'horreur, mais n'oubliez pas, regarde ça le fun. Bon, j'aurais pu dire garder ça horreur pour des 31 jours. Ah, j'aurais pu. Garder ça horreur. Yeah.